J'ai confisqué son passeport et en fait, elle pensait qu'elle allait juste à un spa, tu vois, en ville. On est allé à l'aéroport, on est parti à New York, on arrive à New York, on est allé à l'hôtel. À l'hôtel, en fait, je lui avais booké un massage. Pendant qu'elle a fait son massage, moi, je suis parti chez Tiffany's. J'avais déjà réservé, en fait, la bague de fiançailles. Je suis allé chercher la bague de fiançailles. Après, on est allé dîner à un hôtel, à un resto, en fait, qui tourne. Tu sais, c'est l'hôtel qui tourne au 70e étage du Marriott. Mais en fait, on s'assoit et on est en train de manger. Et tout d'un coup, on arrive au dessert. Et là, très sérieusement, j'avais rien demandé. Notre chanson qui commence en fait dans les haut-parleurs. Et donc là, je me suis dit, bon, ouais, c'est mon moment, j'y vais. Paf. Et là, je sors la bague et je lui dis, Would you marry me? Et voilà. Oh non, mais c'est trop bien. Elle a dit oui tout de suite. Elle a dit oui. Elle tout a pleuré. Tout, elle a pleuré. Ouais. Non aussi. Oui. Mais c'est bizarre parce que c'est un moment t'as pas besoin en fait de dire grand chose. C'est ça qui est fou. Ouais, c'est ça, Morgane. Je pense que l'émotion va prendre le dessus. T'auras pas besoin de faire de grands discours. Juste fais-le quand tu le sens, quoi. Ouais, mais après faut savoir contrôler, on va dire son. Oui. Sans stress et tout, parce que je vais quand même pas lui dire bébé, épouse-moi, ou tu m'épouses. Bah, tu sais quoi, pourquoi pas, si tu le sens, toi. Non, c'est bizarre, quoi. Morgane, tu sais, mais on va pouvoir te donner 1 milliard de façons de lui dire ce soir. Tu verras que quand tu vas être sur le fait accompli, tu le diras à ta façon à toi. C'est ça. Tu le sentiras. Tu sens que c'est le bon moment déjà. Choisis un endroit joli où tu te sens bien et puis ça va dérouler tout seul. Bah, c'est surtout que je suis quelqu'un de très timide, très anxieuse, on va dire. Donc, c'est vrai que j'ai peur beaucoup des réactions. Donc, c'est vrai que il faut pas que tu t'inquiètes des réactions. Non, franchement. C'est ton moment et c'est son moment à elle. Et tu vas voir, ça va être génial. Et en revanche, dimanche, moi, je veux que tu nous rappelles. Ah ouais. Et on veut savoir comment ça s'est passé. On t'a dimanche soir dès 20h dans l'émission. Bah oui, pas de soucis. Vous me rappelez. Franchement. Je vous raconte. Et essaye de filmer aussi, parce que c'est bien de garder ça. Ah bah tu peux pas filmer en même temps. Bah tu demandes à quelqu'un. Ah oui, c'est vrai, c'est pas bête ça. C'est pas bête. Ouais. Vraiment, profite de ce moment à fond et tu vas voir, ça va super bien se passer, tu vas être à la hauteur, t'inquiète pas. Ouais, je vais l'essayer. Puis allez, l'endroit, Momo. C'est vrai que c'est pas mal l'endroit que vous m'avez proposé, je vais y repenser. Le château. Cool. Allez Morgane, on te fait des bisous. Amuse-toi bien. Ouais, merci. Et puis, merci pour vos conseils. Bon. Bisous, ma chérie. Salut, Morgane. Bisous. Salut, ciao. Franchement, moi, je suis pas trop demande en mariage spectaculaire, mais celle de Chris, ça m'a donné envie. Ouais. Tu t'y attends pas, t'arrives à New York. Moi, j'aimerais que mon amoureux, il me fasse un feu d'artifice avec mon nom qui est. Ouais, mais il le fera pas. J'avais fait à Disney aussi avec ma meuf à Space Mountain. Je l'avais juste attendu en haut de la côte, la première côte. Et au moment où ça part, je dis veux-tu m'épouser? Elle m'a fait non! Niqué. Est-ce qu'on a encore des questions puisqu'on a encore Chris pour 3 minutes hashtag le night show. Ça fait une demi-heure il l'a préparé. Camilla qui nous demande qui était ton candidat préféré dans Danse avec les Stars. Est-ce que tu en as un? J'en ai eu plein, mais c'est vrai que tu vois Amel Bent, je l'ai adoré, je l'adore toujours d'ailleurs. Loïc Noté en tant que danseur absolument incroyable. Matt Pokora quand même, on a quand même démarré une espèce d'aventure géniale tous ensemble parce qu'on l'a vu quand même exploser à ce moment-là, c'était génial. Bah, comme Ryan Benzetti, ça a fait exploser pas mal de personnalités. Ouais, c'est hein. Ouf. Et c'est des vrais potes en plus, on se parle tous et on est vraiment tous contents parce que tout se passe bien. Ouais, ça se sent. Et c'est pour ça que tous les candidats disent à chaque fois c'est dur de quitter l'aventure, à la fois parce qu'il y a la défaite à gérer, mais surtout parce qu'il faut quitter les gens et l'expérience, quoi. Alizé aussi. Alizé, c'est vrai. Copine. Effectivement. Une autre question? Encore deux questions. Lucas qui nous demande. Alors, je sais pas si t'es marié avec ta femme. Bah oui, il vient de le dire. Je suis con. C'est la pire phrase du monde. Est-ce que t'es marié avec ta femme? Bah, avec ta copine. Enfin, oui, bref. Est-ce non, en fait, je suis même pas marié en fait. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, ça fait 10 ans qu'on est fiancés et on n'a pas encore eu le temps de vraiment se marier. Ah bon, bah cool, c'est la meilleure question. Non, mais ce qu'il voulait savoir, c'était quelle était votre première danse au mariage. Notre première danse au mariage. Coup, je pense que ça va être un truc très standard. Au final, c'est très ennuyeux, nous. Hein. On va sûrement faire juste une petite, un petit Fred Astaire, chic tout chic. Tu nous inviteras comme ça, ce sera plus simple d'en juger. Alors elle, c'est le spectacle, moi c'est le mariage. Moi, j'ai juste une dernière question quand même, puisque tu n'es pas venu tout seul, Chris. Ouais. Et c'est vrai que Pablo des réseaux sociaux. Il envoie des messages à Amir, le producteur de l'émission. Quand même, Pablo. Il a envoyé quand même, il me faudrait le nom et le prénom de cette jolie femme à lunettes à côté de toi. Alexia. Donc, bonjour. Et il lui a renvoyé un message en lui disant. Ah, non, elle est toute rouge. Il lui a renvoyé un message en lui disant allez, s'il te plaît, aide-moi, frère. Mais mec, mais t'as pas honte. Le marché, quoi. C'est vrai qu'elle est très jolie. Ne t'inquiète pas. Salut. On va arranger ça. Ouais, ah là là. Non, non, franchement, sois pas gêné, Pablo, parce que c'est très mignon en plus, tes messages. C'est le pire jour de ma vie. Non. Mais pourquoi tu l'as envoyé à tout le monde en même temps? Non, je l'envoie à personne. Je l'envoie à Amir en confiance, en ami, parce que des fois, il m'aide, il me dit. Bah oui, mais t'as balancé son téléphone aussi, à un moment donné, ça se paye. Non, hein. J'ai pas balancé son téléphone, je lui ai dit, vas-y, frérot, arrange-moi, essaye. Vas-y, je suis hyper gêné. Vas-y. Attends, on va lui dire un petit mot, parce que c'est ça qui est très jolie, cette demoiselle. Mais, en plus, c'est horrible, elle a rien demandé, bonsoir. C'est le pire moment de ma vie. Bonsoir. C'est Alexia, c'est ça? Bonsoir, oui, c'est Alexia, Alexia, on va faire vite. On va faire vite. Est-ce que cette personne a une chance ou est-ce qu'on peut dire non tout de suite? Je sais pas. Il y a une ouverture. Non, il est très très sympa, Alexia. Ok. C'est un amour. Drôle. Oui, ça il va. Il est très drôle. Ça dépend. T'as eu deux heures pour t'en rendre compte. Bon, bah écoutez, on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que vous êtes charmante, Alex. Je suis obligée. Si Chris me dit que je dois dire oui, je dois dire oui. Au moins un verre, Alex, après ça n'empêche rien. Attends, j'ai une idée. Ok, je t'explique. Disneyland. Je sais, faut qu'ils prennent des places pour à Londres. Je t'arrange le rencard, Pablo. Ok. Et tu me laisses faire une semaine avec vous tous les soirs. Ah bah si tu veux. Allez. Si tu veux. Allez, on est chaud. Si tu veux, on est chaud. Ok, c'est bon, Alexia, c'est réglé. De toute façon, t'as même pas besoin de ça. Si tu veux revenir faire de la radio avec nous, Chris, t'es le bienvenu quand tu veux. J'ai des amours, merci beaucoup. On t'aime merci beaucoup. À toi. Et on ira applaudir ce spectacle. Alors, on danse partout en France, notamment au Casino de Paris le 3 mai. Merci d'être venu, c'était vraiment un kiff de t'avoir. Merci, Chris. Un plaisir, merci. Franchement, j'ai passé un super moment. Ah, Burr. T'as un amour. Des gros bisous, et puis on va vous laisser avec tout de suite Love in Fun. On a un peu débordé, mon Carrel. Mais aucun problème. Mais t'es content qu'on ait pu arranger un espèce de coup à Pablo. C'est sûr. C'est quoi, je pense qu'il en a besoin en ce moment. Vraiment, hein. Il a besoin de décharger un peu tout il ça. Il a besoin de se libérer. Pas décharger, on s'entend bien non, sûr. Mais reste décharger classe, elle est encore en studio. Le stress. Les pulsions. Par contre, elle est au courant qu'il porte encore des caleçons pas du tout moulants, enfin des trucs papa dégueulasses. Non, mais attends, déjà, qu'ils aillent boire un verre, il est dégoûté. Non, c'est dégoûté, les gars, ils sont en train de m'enchaîner. Et t'es au courant qu'il a une virus sur le pied Ça va, les gars. Ah bon? Mais non, c'est une connerie. Ah ben oui, il a une virus sur le pied. C'était une connerie. Allez, on vous laisse avec Love in Fun jusqu'à minuit. Nous, on sera de retour demain en direct dès 20h et on sera à Bordeaux. À Bordeaux pour le Christmas Tour. Donc on vous embrasse bien fort, bonne émission et à demain. Bisous. Tous les soirs, plus de liberté. Love in Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Love in Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Love in Fun. De 22h à minuit avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio. J'espère que la journée a été cool, que vous avez passé un bon moment. Hein. C'est vrai, il faut profiter, hein, mais parfois, c'est vrai aussi qu'on passe des journées de merde. Donc, tu sais, tu te dis à la fin de ta journée, putain, j'ai été emmerdé par les profs, j'ai été emmerdé par mon patron, j'ai été emmerdé, j'ai besoin de me détendre. Vous allez prendre votre dose, justement, de Love in Fun pendant 2 heures. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Merci beaucoup d'être avec nous. Love in Fun, c'est tous les soirs, du dimanche au jeudi, de 22h à minuit. Et c'est une émission différente puisqu'ici, vous pouvez vraiment tout dire. Hein. C'est aussi pour ça qu'on est un petit peu plus tard. On peut davantage se lâcher et surtout, vous pouvez davantage venir vous défouler, venir nous raconter justement tout ce qui vous intéresse dans la vie, les problèmes aussi que vous pouvez avoir. Si vous avez par exemple des petits problèmes d'érection, j'ai pu en avoir. Eh bien, ça va mieux maintenant. J'ai un sexologue à mes côtés. Ah, ça aide. Hein. Ah bah oui. Doc. Et tu as Alice aussi. Ah bah. J'ai pas la sensation d'avoir ce pouvoir. Oui. Ah bah non mais c'est vrai. Maintenant que tu le dis effectivement. Non mais est-ce qu'il m'est arrivé d'avoir une érection avec Alice? Bah j'espère pas non. Non mais attends. Bah, attendez non j'espère pas prendre un truc comme ça. Mec il bande, t'es en train de lui parler, il bande. Ah, mais pas gênant. Du tout, mais pas du tout Alice. Non, c'est naturel, c'est quelque chose de naturel. Ouais, c'est naturel. C'est vrai. Alors, comme dit Doc, c'est quelque chose de mécanique. Et il faut savoir que pendant la nuit, par exemple, Alice, on peut avoir une dizaine d'érections, nous les hommes. Oui, mais chacun de son côté, quoi. Ah, bah évidemment. Et dans la journée aussi, il y en a qui arrivent spontanément comme ça. Tu les sens pas toujours. Hein. Ça vient, hop, ça repart. Bon, tu fais pas attention. Là, en ce moment, par exemple, je peux vous assurer que Doc bande. Hein, puisque, on le sent bien détendu et tout. Comment ça va, Alice? Bah, écoute, ça va très bien. J'en apprends tous les jours. Ravie de vous permettre d'avoir des érections quotidiennes. Ah, non. non. Non, bah, ça, je me doute bien que celle de tous les hommes du monde entier, c'est pas grâce à moi. J'en suis pas à ce point-là. Ça dépend. Ils peuvent se connecter sur ton Instagram, oui. Alice. Ouais, tu as du bar radio. Ouais, pour avoir des petites photos souvenirs, mais bien sûr. Non, les gens sont pas comme ça. Mais bien sûr que non. Mais arrêtez. Bien sûr que non. Bien sûr. On témoigne les nombreux pénis qu'Alice reçoit sur son ça, Snapchat. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas Instagram. Non, mais bien sûr. Non, mais ça, c'est vrai. Non, mais c'est fou, ça. Il y a des personnes qui vont sur Snap et qui prennent une photo de leur tub, qui l'envoient à Alice. C'est ça. Et moi, de l'autre côté, je suis avec ma mère. J'ai mon téléphone et j'ouvre comme ça une photo. Et puis d'un coup, on voit un truc avec un flap-flap. Et puis voilà quoi, un pénis qui se branle. Se fait branler. Sans déconner, les gars, respectez-vous quand même. Respectez-vous, mettez au moins votre tête en même temps pour que je sache à qui appartient cette tête. Mettez les abdos et tout, là, je sais pas. Bonsoir, Kassim. Salut. Kassim, c'est le reproducteur de cette émission. Il est producteur-réalisateur. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, il fait tout mal. C'est ça qui est fort. Tu sais, il est multicasquette, mais il en porte jamais vraiment aucune. Ouais. Ça va, mon Kassim? J'ai un bob, ouais. Ah, c'est des années d'amitié. C'est pour ça qu'il est là. Ouais. Ah, c'est parce que c'est mon pote. Sinon, tu m'aurais viré déjà. Bah, évidemment. Bah, oui. Coco et Méloche du Standard. Ouais. Alors, c'est les personnes, hein, les deux personnes qui décrochent le Standard, qui vont vous parler au téléphone. Vous entendrez la voix de Méloche qui n'a pas fait l'amour depuis 580. Là, on est à 598, là. 598. Oh là là, on approche les 600. Ah, dimanche soir, on fête les 600 jours, les amis. Ah oui, oui, non, il faut absolument. Je veux qu'on rappelle Sofiane, là. Je ne suis pas allée assez loin avec ma banane, je veux Sofiane. Le strip-teaser. Oui, le strip-teaser. Eh bien, écoute, on rappellera Sofiane s'il le faut. Et il te reste un week-end, quand même, pour peut-être faire l'amour. Tu vas où ce week-end, Méloche? Dans mon lit à Paris. Ah. Donc j'appelle. Je vais pas donner mon adresse à l'antenne, mais au cas où. Mais presque. Tu peux embaucher Sofiane pour tout le week-end chez toi. Hein. Oh là là. Aussi, oui, c'est vrai. Alors il faut quand même comprendre que c'était un strip-teaser, c'était un professionnel. Il était là pour ça. Il était venu avec sa femme en plus. Ouais, ça, mais elle était fraîche. Et je dis rien. Elle était très très sympathique. Ah ouais, ouf. Oui, c'est vrai. Non, mais pourquoi être jalouse quoi en général. La fille était sereine. Quoi. Elle est tellement belle que son mec est strip-teaser. Ouais. Oh non, je le vis super bien. Ouais, c'est ça. Souvent, il y en a qui nous appellent. Ouais, voilà, mon copain est stripteaseur, ma copine est stripteaseuse. Mais là, c'est clair qu'elle était tellement, tellement jolie qu'elle n'a pas de souci à se faire, hein, clairement. 01 42 48 5000 ce soir encore. On vous offrira les 100 euros de chèque cadeau à dépenser sur le site t-shirt-corner.com. Ce soir, on jouera au mot de la fin. On vous expliquera tout. Vous allez voir, c'est fort sympathique. 01 42 48 5000. Et puis, on va accueillir Lilian. Il a 18 ans. Il nous appelle à l'instant sur Fun Radio. Bonsoir, Lilian. Yes, salut toute l'équipe, bonsoir, comment ça va? Ça va bien, Lilian, ce soir dans l'émission, tu pourras danser sur Post Malone. Ah. Bah là, tu vas moyennement danser, hein. T'es plutôt sur une ambiance un peu cool. Là. Avec Sunflower. Par contre, là-dessus, hein, tu vas pouvoir, comme disait ma grand-mère, te trémousser. Elle me disait, tu t'es trémoussé sur la piste de danse? Oui, mamie. All That Suck It Down dans l'émission, il y aura aussi le King, David Guetta. David Guetta, Bébé Rexha dans l'émission avec J Balvin aussi, bien sûr. Et Lilian qui nous raconte. Qui nous raconte quoi, Lilian? Eh ben alors moi en fait je vous appelle parce que j'ai vraiment besoin de vous l'équipe ce soir. Oui. En fait ça fait 4 ans maintenant que ma mère est avec un nouvel homme, donc elle a un nouveau compagnon. Oui. Et donc cet homme a une fille et en fait depuis le premier jour je suis tombé complètement en love de cette fille, genre elle est vraiment hyper belle et tout. Et le truc c'est que c'est vraiment la meuf genre famous dans le lycée, tu vois, genre la meuf hyper populaire et tout. Et je sais pas comment lui dire, mais vraiment ça fait vraiment longtemps que ça me trotte dans la tête et j'ai vraiment envie de lui dire quoi. Donc on parle bien de ta demi-sœur. C'est ça, ouais, ma demi-sœur. Ouais. Et tu habites chez ta mère de temps en temps avec ta demi-sœur? Ouais, je suis chez elle majoritairement, hein, je suis chez elle. Et oui, du coup, je la vois souvent et c'est à chaque fois c'est difficile et tout, genre je la regarde tout le temps, c'est un truc de ouf, mais je crois qu'elle s'en rend pas forcément compte, tu vois, comme peut-être comme qu'elle te considère comme ton demi-frère quoi. Bah oui, c'est ça. Frère, sœur, côté famille quoi. Vous habitez ensemble, vous connaissez depuis que vous êtes tout petit. Mais pas le même sang, heureusement. Ah ouais, c'est vrai. C'est ça. Heureusement. C'est une demi-sœur par alliance, c'est oui, ça Doc. Oui, c'est ça, ouais. Heureusement. Donc, s'il n'y a pas de... Il n'y a pas de lien de sang, donc normalement, il n'y a aucun souci. Non, non, il n'y a aucun lien de sang, non, non. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Oui. Bon, maintenant, c'est peut-être pas la première chose à laquelle elle pense, elle. Ah mais, bah ouais bon. Non, oui, je pense, et puis même, je pense, parce que, enfin, comme je te dis, je pense qu'elle ne capte pas forcément, tu vois. Mais t'as envoyé des signaux? Bah oui, pourtant, j'essaie, enfin, en fait, je peux pas m'empêcher de la regarder tout le temps, donc oui, enfin, je pense que déjà, ça, rien que ça, c'est un signal qui révèle la manière dont on regarde les gens, et vraiment, enfin, elle capte pas, enfin, je pense qu'elle relève pas, quoi. Elle te répond? Enfin, t'as l'impression qu'il y a un bras de quelque chose en retour? Non, rien. Non, vraiment, elle me répond pas plus que ça. C'est pour ça que j'aimerais vraiment lui dire, au moins me libérer de ça, parce que c'est vraiment, enfin. Ah ouais. Ah non, mais c'est fou. Ah non, mais c'est fou, Lilian, tu vas te prendre le râteau de l'année, hein. Ah mais moi je le sens mes gros comme ça sera peut-être mais, réglé pourra passer à autre chose. Au moins je préfère être fixé tu vois parce que je préfère être fixé voilà histoire de poser les choses qu'il y ait pas d'ambiguïté comme on dirait hein. Ça fait 4 ans que tu et si tu prends un râteau tu passes à autre chose après c'est bien. Tu t'as préparé quelque chose ou pas quand on va l'appeler là? Ouais j'ai écrit un petit poème pour elle et tout. Un poème? Ok. Ouais, alors attends, je pose la question aux filles. Un poème à lire, c'est ringard ou c'est pas ringard? Bah ça dépend. En fait, moi je suis pas trop pour le côté lu. En fait, tu vois quand quelqu'un a quelque chose à te dire, il a pas besoin de sortir un papier et lire. Même si je comprends que c'est un peu rassurant, mais bon après un poème, genre c'est quel genre de poème quoi? Ouais Lilian, est-ce que tu peux? C'est pour ça j'aurais besoin de vos conseils aussi pour savoir un peu quoi mettre. Ah tu peux nous lire le début par exemple un petit passage. Pour savoir on va mettre une petite musique pour se mettre dans l'ambiance. Donc je vais faire Estelle, d'accord? Okay. Avec la musique ça rend bien déjà. Oui hello. Non, on commence par le poème. C'est de Nichon là. Ah pardon. Je vais plutôt commencer par le poème. Allô Lilian. Donc... oui, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je t'écoute. Okay. C'est très perturbant, hein, Carella. Je t'écoute, j'étais dans ma chambre, j'étais toute nue. Donc, vas-y, donc, je commence. Donc, oui. Ma belle, tu es mon trésor, je n'aime que toi, ton amour est précieux comme l'or, je pense sans cesse à toi. Non, mais Lilian. Partout où je me trouve, déjà le ma belle. Dans mon esprit. Oh, ouais. Continue, Lilian. Et toutes les choses que j'éprouve ne sont que pour toi, ma chérie. Mon amour pour toi est si grand. Stop, Lilian. Alors, il y a double lecture. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on dirait que t'es fou amoureux d'elle. Que vous êtes déjà ensemble. Oui, c'est ça. Et tu parles de son amour comme si elle t'aimait déjà. Ouais, après c'est vraiment chaud, mais pour le coup, après, j'ai vraiment envie de l'exprimer ce que je ressens. Ouais, mais tu penses qu'elle, elle te kiffe? Honnêtement, je sais pas. Et je dis pas, tu vois, je vais pas dire qu'elle me kiffe ou quoi. Mais honnêtement, je sais pas. J'espère, mais je sais pas. Mais dans ton poème, tu dis déjà ça. Tu dis, tu parles d'elle comme si elle t'aimait déjà. Ton amour est de l'or. Oui, tu sais pas. Ce serait tellement parle de toi. Parle de toi et de tes sentiments et de ce que tu ressens, mais brode pas trop sur ce qu'elle elle ressent, ça pourrait la bousculer et la faire reculer. Je au pense contraire. Que je devrais remplacer quelques trucs, genre remplacer pour faire en mode plus c'est moi qui le dis. Parle de ton ressenti, tes sentiments, ce que t'as toi dans le cœur. Ça m'a beaucoup touché. Je t'aime. Je t'aime, mon doudou. Ah oui. Bon, Lilian. Rebosse un peu. Lilian, là. Alors tu vas avoir 3 minutes pour rebosser un petit peu tout ça, hein, quitte à t'aider un petit peu à leur antenne. On revient dans 3 minutes, les amis. Et à mon avis, nous allons assister à un grand moment de radio. Lilian va appeler sa demi-sœur. Hein, avec qui il vit, hein, voilà, et il va lui dire à quel point il l'aime. En même temps, il y a des sentiments, il y a de l'amour, et ça, c'est très sérieux, Lilian. Donc voilà, on est un peu sur une moquerie de ma part, mais c'est parce que j'ai envie de te préserver. Oh, J'ai pas l'impression que tu vas être content. Je sais pas pourquoi. Fais attention. Non mais tu vois, genre je me fais pas le truc, c'est que je me fais pas d'illusions, je me fais pas de faux espoirs. Mais bon, il y a une petite partie qui dit c'est possible. Mais Ouais. c'est la petite partie que tu vas mettre aux chiottes à mon avis. Mais répare-toi. On y croit. Attends, j'y vais. Tu gardes le sourire et tu as bien raison. Dans un instant, Lilian appelle sa demi-sœur pour savoir s'il y a moyen de rentrer dans sa chambre. Reste avec nous. C'est la chambre d'à côté. Moi, je trouve ça trop space. Vous bougez pas, on vient avec Benny Blanco et Calvin Harris avec I Found You sur Fun Radio. Suivez Love in Fun en stream vidéo sur funradio.fr. Here we go. Christmas.

22h à minuit sur Fun Radio. C'est Love in Fun sur Fun Radio. Faire l'amour avec quelqu'un qui vous a déjà dit des trucs très hard. Par exemple, oui, c'est bon, vas-y, défonce ma petite chatte. Par exemple, par exemple. Ça, c'est un exemple, hein. Mais c'est vrai que parfois, on s'excite avec ce qu'on appelle du dirty talk. Oui, hein, c'est vrai, on parle un peu sale. C'est dans un, voilà, c'est, il y a rien de, il y a rien de mal, quoi. C'est juste qu'on se lâche. Faut pas le prendre au premier degré, quoi. Voilà, c'est ça. C'est juste histoire de se motiver, parfois de s'exciter et tout. Ça peut être un jeu. Ouais. Voilà, il y a rien de vraiment. De toute façon, tant que les deux sont d'accord. Oui. Et puis parfois, ça peut surprendre si l'autre est pas au courant. Ah ouais. Et subitement, ça sort comme ça. Bon. Et parfois, t'as des trucs choquants, mais c'est même pas forcément le truc un peu genre insulte ou dirty, tu vois. Par exemple, on a reçu un message parmi toutes les réactions qu'on a eues parce qu'on vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Et il y a Estelle qui nous a dit, bah moi, j'ai couché avec un mec qui, au bout d'un moment, m'a dit, coucou, dis bonjour à la caméra. Tu vois, ça c'est quand même le genre de phrase qui est hyper choc pendant l'amour. Tu t'y attends pas du tout et ça te refroidit, quoi. Coucou, t'es en direct sur Facebook Live. Non mais c'est ça. Coucou. Non mais en fait putain. Le mec il a bon, après elle a fait en sorte de supprimer la vidéo, mais il l'avait pas prévenu et il était en train de filmer la scène, quoi. Au bout de 20 minutes, salut, dis coucou, sois poli. Ah, c'est chaud. Sois poli, dis bonjour. Ça c'est chaud. Hein. Venez nous dire si ça vous est déjà arrivé. Et d'ailleurs, y en a comme ça. Tu les croises. Tu te dis, je sais pas, la personne est, on va dire, plutôt coincée, ouais, réservée, un peu timide et tout. Mm. Puis quand la personne se retrouve dans un lit avec toi... Oh putain. Oh putain. Hein, et elle se transforme. On a l'habitude de dire c'est les pires. Ouais, c'est les pires peut-être, ou les meilleurs. 01 42 48 5000, venez réagir. En plus, on vous offrira des sextoys Lélo, hein, toute la soirée pour tous ceux qui vont réagir. N'hésitez pas, si vous êtes déjà rêvé de, voilà, de faire l'amour avec quelqu'un qui disait des trucs assez hard, voire même carrément chelou, le coup de la caméra par exemple. 01 42 48 5000. En attendant, il y en a un qui flippe. Il a peur, c'est Lilian, 18 ans de Paris, qui est avec nous depuis le début de l'émission. Lilian, toujours là? Et ouais, là il y a la pression qui monte, là, sans déconner. La pression qui monte. Mais oui, ça monte là. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Lilian. Lilian a 18 ans, il vit à Paris et un jour, ah, c'est pas une bonne nouvelle puisque ta maman se sépare de ton papa, c'est ça, Lilian, et oui. Et maman décide, bah voilà, de rencontrer un nouvel homme, et donc tu as un beau papa, et ce beau papa a déjà une fille, c'est donc ta demi-sœur, et oh, toi, qu'elle est belle. Depuis 4 ans. Tu es complètement love d'elle. Tu exactement. N'oses pas lui parler. Je vais résumer la situation qu'elle a là. C'est... Ah, tu n'oses pas lui dire. Pourtant, tu as l'impression de lui faire des petits signes et tout. Et ce soir, tu as décidé en direct sur Fun Radio de tout lui dire, de tout lui balancer. Ouais, tu as même voilà, écrit un poème. Un poème que je trouve à chier. Mais Elle est un peu trop... Merci beaucoup. Non, mais il y a un côté un peu trop mielleux alors que vous n'êtes pas du tout encore en couple et que surtout, tu ne sais pas où elle en est vis-à-vis de toi. C'est de la merde. Ouais, mais non, arrête. C'est de la merde. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas de balancer le poème comme non. ça? Parce que non. Non, ouais, mais voilà. Tu peux t'en servir. J'avais un peu le doute, tu vois, mais je pensais pas que c'était une bonne idée. Du coup, après ce que vous m'avez dit de lui balancer le poème, je pense que ça va la faire faire plus qu'autre chose. Après, hein. Franchement, Lilian, si tu sens que c'est quelque chose que t'as envie de faire et que voilà, tu la connais mieux que nous, si tu penses qu'elle peut être touchée par ça, pourquoi pas, mais et qu'en là... plus et qu'en plus pour toi c'est plus facile aussi, c'est-à-dire que tu te sens à l'aise avec cette façon de faire parce que toi ça va te guider. Ok, si c'est pour te rendre plus à l'aise, vas-y. Si c'est pour que tu perdes tous tes mots, que tu saches pas parler, c'est sûr qu'il vaut mieux que tu fasses le poème. Donc à toi de voir. Juste une question avant d'appeler, au niveau de ta mère et de ton beau-père, parce que c'est quand même ta demi-sœur, il n'y a pas de lien de sang, on l'a dit, donc non, il n'y a pas de problème. Mais bon, vous habitez quand même sous le même toit, c'est un peu chelou, quoi. Ils vont trouver ça bizarre, oui. Ça... Ah, tu penses qu'ils pourraient accepter ça? Honnêtement, j'en sais rien. Ouais, mais... Il faudrait voir, faudrait discuter avec eux, faudrait amener le sujet. En plus ouais. En plus, tu verras ça après. Elle a 16 ans. Oui, voilà, c'est. T'as 18 ans, elle a 16 ans. Donc elle a quand même 2 ans de moins que toi. C'est pas rien. On appelle tout de suite Estelle. Lilian. Yes. J'espère qu'on va pas te ramasser la petite cuillère, toi. Oh là là. Oui, allô. Allô. Oui. Oui. Oui, salut. C'est qui? C'est Lilian. C'est Lilian, je te dérange pas. Non, dis-moi. Ok, du coup tu fais quoi là? Bah je suis chez ma mère. Ok, je voulais te parler, enfin j'ai quelque chose à te dire, en fait ça me trotte dans la tête depuis limite le temps qu'on se connaît. Je voulais vraiment te dire quoi? Tu fumes? Non, mais... Non, parce que tu sais que mon père va te défoncer si tu fais ça. Non, mais t'inquiète. Non, ah, okay. c'est pas que je fume. Non, c'est pas par rapport à ça. Non, je fume pas. Tu sais très bien. Ah, ok, d'accord. Tu m'as jamais vu fumer. En fait, ça fait 4 ans qu'on se connaît maintenant. Et enfin, vraiment, depuis le début, je suis vraiment en kiff sur toi. En fait, je te trouve hyper belle. J'ai un sentiment que je peux pas exprimer envers toi. Voilà, c'est difficile à dire, mais c'est. Voilà, je t'aime. Et non, mais t'es au courant qu'on est demi-frères et sœurs. Ouais, mais y a pas de lien de sang, tu vois, en soi. C'est, non, mais en fait, parents, tu m'aimes pas vraiment, en fait. Parce que si tu m'aimais bien, tu voudrais pas ruiner ma réputation comme ça. Ils vont croire quoi au lycée? Et puis même, t'es mon demi-frère, c'est pas possible. T'es le premier de la classe, mais tout d'un coup, quand ça parle, enfin, je veux dire, à un moment donné, réfléchis un peu. Mets ton cerveau en route. Nous deux, on est demi-frères et sœurs. Ça colle pas. Non. Enfin, non. Et puis, tu crois que nos parents, ils vont penser quoi, là? Bah, je sais pas, moi, honnêtement, ça, on s'en fiche. On doit pas. Moi, je m'en fiche pas. En fonction de nos parents. Je suis pas la fille de ma belle-mère, et puis même, enfin, non. Bon, donc en fait, c'est juste comme ça que tu me vois, c'est comme le fils de ta belle-mère, enfin, je sais pas. Réfléchis un peu. Au lycée, moi j'ai pas envie de finir comme toi, là, de faire cracher dessus toute la journée, de faire victimiser. J'ai un minimum de réputation, enfin, tu sais très bien comment ça se passe au lycée, non, c'est pas possible, non. Ouais, après, c'est. Enfin, on n'est pas non plus obligé d'étaler notre. Bravo! Bravo! Défi réalisé en direct sur Elle y a cru, hein! Estelle vient de se faire piéger dans toute la France. Estelle, ma chérie, t'es là? Estelle? Allô? Salut Estelle, t'es en direct sur Fun Radio et Lilian devait te faire croire qu'il était amoureux de toi pour avoir un beau cadeau. Et Lilian, c'est gagné, bravo Lilian! Bravo! Bravo. Merci! Il n'y a pas de problème! Ah, Estelle, t'y as cru presque, hein? Hein? Ben, j'ai eu trop peur! Ben, ça va pas, non? Et la réputation! Mais bien sûr! Le premier truc, oh ma réputation! Alors par qu'est-ce contre, que tu vas penser de moi? Je suis au lycée, enfin à un moment donné, non! Bah oui, non mais toi de toute façon Estelle, t'avais jamais eu aucun sentiment pour Lilian, c'était... Bah de base c'est mon demi-frère, donc Bah voilà. Oui, alors après il n'y a pas de lien de sang, donc on peut même se marier en étant des demi-frères par alliance. Ah ouais, c'est bon ça. Il y a un lien sentimental de famille, mais c'est tout quoi. Enfin, ah bah c'est sûr que si tu l'apprécies comme étant ton frère, non c'est pas possible. Bah voilà Estelle, t'en... Ouais. Et ben voilà. Ça m'a perturbé du coup. Eh ben oui, ah bah c'était le but. Ah oui, mais il t'a piégé. Ah, c'était un bon piège, Lilian, vraiment t'as assuré. Hein. Ah, il a bien joué le jeu. Lilian, le cadeau, il est pour moi. Il n'y a pas moyen là. Bien sûr. C'est lui qui a gagné. Tu n'as pas donné là où on habite, hein, parce que franchement, je te tue. Non, non, on va tout gérer ça en antenne en tout cas. On te fait des gros bisous, Estelle, et on te dit à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir Estelle, à bientôt. Salut. À bientôt. Au revoir, on a raccroché. Bon, on lui a même pas dit la radio, elle peut pas réécouter ou quoi non. que ce soit. Bon, Lilian. Ouais. Ne nous remercie pas, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ouais, à un moment donné, on s'est dit on va quand même sauver un peu le délire parce que là, c'était pas possible. Ouais. Et je veux pas finir comme toi, c'était quand même ouais non mauvais début. Mais moi je le sentais dès le départ. Par contre, elle a dit un truc, genre tu te fais cracher dessus au bahut, Lilian, c'est quoi cette histoire? Bah disons que j'ai des bonnes notes et tout, j'ai des facilités, donc en gros les gens t'sais comment ils réagissent par rapport à ça, ils aiment pas trop et puis nul. Donc du coup au lycée j'ai pas forcément de potes et puis c'est t'es connerie en terminale ça va. En terminale je veux dire on a plus 14 ans quoi. Tu vois je suis pas le genre de gars à plein d'eau quoi de ma situation, c'est juste que c'est un peu relou quoi, à force les gens sont relous et puis il y en a pas un pour arrêter l'autre quoi, donc là c'est ouais tu trouveras des potes les années prochaines et puis voilà ouais. Et n'hésite pas à en parler. Ouais, ça va trop loin dans l'enceinte de ton bahut et tout, faut en parler. Te faire cracher dessus, c'est pas normal. Hein. Et là, par rapport à donc ta demi-sœur, tu le vis comment? Ça va? Bah là, Ça va pas, honnêtement, j'étais pas, ça m'étonne pas. J'aurais préféré une réponse positive. Après, vous avez vraiment bien rebondi. C'est un truc de ouf. Enfin, franchement, on voulait pas que ce soit gênant, tu vois. Vous m'avez sauvé, quoi. Enfin, c'est vraiment, vous m'avez sauvé, quoi. Parce que sinon, là, j'aurais été vraiment dans la merde. Je sais pas si on aurait parlé aux parents ou pas. Je sais pas comment Lilian, t'as bien fait. Ça fait 4 ans que t'es bloqué sur ta demi-sœur. Ouais. Et là, tu viens d'apprendre aujourd'hui que c'était pas possible. Et je suis persuadé que t'es passé à côté de plein de filles qui auraient pu t'intéresser et surtout qui se seraient intéressées à toi. C'est bien parce que maintenant tu vas pouvoir avancer et en plus, je vais pouvoir tourner la page et puis me faire une raison et puis voilà, c'est dit, je suis libéré quoi, je me sens libéré là, honnêtement c'est ta sœur, c'est ta demi-sœur et ça n'est que ça. Voilà. Bon, on te fait une grosse bise, Lilian. C'est bien d'avoir tenté le coup quand même. Ben, merci beaucoup. Bah, passez une bonne soirée. Et puis merci pour vos conseils et puis votre aide. Hein. À bientôt, Lilian. Bon, bon du coup, t'as pas gagné le cadeau, hein, mais on va t'envoyer un pack Love in Fun quand même. Hein. Salut, Lilian. Merci, ça fait plaisir. Bonne soirée. Ciao. Salut. Ciao, Lilian. Et Hélène nous rejoint sur Fun Radio 24 ans de tour. Bonsoir, Hélène. Salut, la famille. Salut, Hélène. Il y aura Dimitri aussi de Toulouse. Dimitri, t'es là? Ouais, salut la famille. Dans un instant, on va parler de faire l'amour avec quelqu'un qui vous a dit des trucs très hard. En un mot, Hélène, qu'est-ce qu'on t'a déjà dit, toi? Retourne-toi, ma salope, je vais te péter l'arrière-train. Très bien, restez avec nous. Et toi, Dimitri, qu'est-ce qu'on t'a dit en un mot comme ça, vite fait Des trucs genre, vas-y, fais-moi mal, des trucs comme ça, quoi. D'accord, restez avec nous, on en parle au 01 42 48 5000. Vous bougez pas, n'hésitez pas. En plus, on vous offre des sextoys Lélo, là, pour tous ceux qui vont réagir. Si on vous a déjà parlé un peu mal, mais pas forcément, c'était un truc que vous kiffiez, hein. 01 42 48 5000, et on écoute Benny Blanco, I Found You sur Fun Radio. Finally believe in you. I travel many roads, and I know what road to choose. Now my world is never changing. There's anything I can do, 'cause I found you. I found you, 'cause I found you. I found you, 'cause I found you. Fort, c'est le meilleur, hein. Calvin Harris et Benny Blanco avec I Found You sur Fun Radio. 22h à minuit, 0 1 42 48 5000. Avec Karel, Alice et Doc. Love and Fun sur Fun Radio. Et nous on est là tous les soirs, on est en direct hein, du dimanche au jeudi de 22h à minuit avec Doc. Doc. Hello. Hello Doc. How are you today Doc? I'm fine and you? Ah, very well, thank you. Et Doc est médecin, sexologue, voilà, il est astrologue aussi, météorologue et pratique la tarologie. Tout à fait, voilà. D'accord. Venez vous faire tirer c'est les nouveau. Tarots. Je ne savais pas. Il a le don de voyance et d'ubiquité. En ce moment, il est avec nous dans le studio. Mais il est aussi chez sa voisine. Hein, hein, oui. Ah. Il y avait longtemps. Et ça, ça se passe comment avec ta voisine, Doc? Non, parce que je le dis pour ceux qui nous rejoignent, Doc aimerait bien pécho sa voisine, mais il n'y arrive pas. Comme je t'ai dit, elle a d'autres partenaires. Ah, elle a comment ça plusieurs. D'autres? Ils sont plusieurs. Putain, mais ils sont... Semblerait. Putain, mais hey, coquine, sans déconner. Elle s'appelle Marie. Ouais. Marie, on t'embrasse, voilà, ouais. Et on salue tous tes partenaires. Voilà, donc il faut savoir que la voisine de Doc fait des partouzes, voilà, de ah temps non, en non, temps. Non, pas du ça. Les uns après les autres, ah, séparément, pardon, pardon. Pas tous ensemble. Ah, j'avais mal compris. Des tournantes, donc. N'importe quoi. Moi, je m'appelle Karel. Alice est là également. Elle est sur les réseaux sociaux, sur le Facebook. On vous met aussi régulièrement des vidéos sur YouTube. Oui. La chaîne YouTube Love in Fun, n'hésitez pas à aller vous abonner et je vous annonce que demain, on aura des nouvelles de Nicolas qui nous avait appelé pendant l'émission parce que sa copine le traitait comme une merde et on avait pu bah voilà, en juger puisqu'on avait appelé sa fameuse copine en direct et c'est vrai qu'elle le traitait comme un chien. Ouais, c'était chaud. Si vous voulez revoir ce moment-là en vidéo, c'est sur la chaîne YouTube de Love in Fun. N'hésitez pas à aller mater et demain, on aura des nouvelles de Nicolas pour savoir si ça se passe mieux. Là maintenant, on va tout de suite accueillir Hélène. 24 ans de tour. Bonsoir Hélène. Recoucou. Salut. Recoucou Hélène. On va donc parler de ceux qui disent des trucs très hard au lit. Eh ben moi j'en peux plus qui m'insulte au lit en fait. De qui tu parles? Raconte-nous toute ton histoire, tout ça va. Alors en fait ça fait 3 ans que je suis avec mon chéri. Et puis au début ça se passait bien tout ça. Et un jour ça l'a pris, il m'a dit tente-toi espèce de salope, j'ai envie de te baiser. Oh, ok. Alors, ah ouais. Et toi tu réagis comment? Parce que c'est la première fois à mon avis qui compte quoi. Ben, donc la première fois c'était ça, il m'a sorti ça et je l'ai regardé, j'ai fait ben même pas tu me touches. Voilà. Ouais, bah ouais, non. Parce que moi ça me donne pas envie, enfin, ouais. Je suis désolée. Ça t'excite pas quoi? Non, ah non, bah quand tu me dis je vais te casser les pattes arrière, non merci quoi. Ah, mais ouais, c'est un poète ton mec. Ça fait 3 ans qu'il te dit ça ou quoi? Non, je pense que là ça fait environ 1 an. Et, peu tu, près. Et tu lui as dit d'arrêter? Oui, voilà, et mais il force toujours. Et, ah, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que moi je dois m'y mettre? Est-ce que je dois me forcer? Je ne sais pas. Ah mais, non, voilà, c'est, aidez-moi. Si c'est pas toi, non. Et puis si t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. Faut que tu lui fasses comprendre de manière ferme et définitive que c'est au contraire de ce qu'il croit pour lui, de ce qu'il sent pour lui. Lui, ça l'excite peut-être, bon, c'est bien. Mais toi, ça te désexcite. Et donc, du coup, c'est pas, ça va pas du tout dans le bon sens. Tu... Bah, c'est ça, on est d'accord. Mais ah, oui. Bon, il veut pas comprendre, mais il force, hein. Là, il y a quelques jours de ça, il m'a dit « Excuse-moi, ma petite pute, mais j'aimerais bien te baiser. » Oh putain, alors Alice, toi, on te parle comme ça, le mec, il te parle comme ça, et t'es pas, enfin voilà, t'es pas ok, tu réagis comment? Bah, il me parle comme ça 2 fois, quoi. Ouais. Et puis après, il me revoit plus. Ouais, c'est ça. Clairement, enfin, je tiens pas 1 an avec un mec qui me traite mais de pute. Imagine, oui, c'est un mec salope, que tu connais, amoureuse, voilà. Là. Mais voilà, si t'étais amoureuse oui, à fond. Bah oui, mais si je suis amoureuse à fond d'un mec pendant 2 ans et qu'au bout de 2 ans, il se met à me parler comme ça, c'est pas le mec dont, enfin, tu vois, je suis pas tombée amoureuse de ce mec-là. Je suis tombée amoureuse du mec qui pendant 2 ans m'a bien traité, quoi. Tu vois? Et je pourrais pas passer 1 an avec un mec qui m'insulte si j'en ai pas envie. Si à la limite, c'est un jeu, que je suis dans le délire et tout, qu'il y a des fois, on se parle voilà. De façon un peu crue pour faire l'amour. Un coquin. Peu plus violemment, voilà. De façon un peu plus sauvage. Mais si le mec, je lui dis clairement, écoute, ça me gêne, j'ai pas envie que tu me parles comme ça, je me sens salie quand tu me traites de pute, je suis pas ta pute, j'ai pas envie que tu me dises que tu vas me défoncer les pattes arrière et qu'il le fait quand même, ça veut dire que concrètement, le mec, c'est son plaisir qui passe avant tout, il y a pas de communication tous les deux, et mon jeu de séduction à moi, il s'en bat les couilles, quoi. Donc franchement, non, moi, j'arriverai pas à accepter ça. Non, ça n'arriverait jamais avec moi. Hélène, tu entends tout oui. Ça hein? Et ça, c'est très important ce qu'on vient de te dire là, Hélène. Il faut que tu te fasses respecter si t'as pas envie. En fait, mais de toute façon, moi, quand il me dit ça, il me touche pas. Hein. Il te touche pas. Ah oui, donc ça s'arrête là. Parce que il réessaye. Ouais. On est d'accord. On va dire là, oui, il y a 2-3 nuits de ça, il réessaye, mais Moi, je lui ai dit, tu ne me touches pas, et ça fait quasiment un mois et demi qu'on n'a pas fait l'amour. Ah ouais, voilà. Je suis un petit peu en manque, hein. Tu lui as parlé, c'est bien. Mais bon. Ouais, c'est bien, mais ça lui fait comprendre bah du oui, coup quand même sait. Que c'est niette et c'est niette niette. Voilà, qu'il va falloir trouver une autre solution. À la rigueur, que vous discutiez tous les deux sur ce qui pourrait t'exciter, toi. Peut-être un petit mot ceci, ouais. Enfin, je sais pas, dans les ouais. mots. Hein, mais il y a peut-être des choses qui toi t'excitent, mais qui sont pas du tout de cet ordre-là. Mais que vous retrouviez de la communication érotique sur la parole, sur les mots qu'on peut employer dans le sexe. En tout cas, pas les siens et pas ceux-là. Ben moi, c'est plus la douceur, en fait. J'aime bien la douceur, la tendresse. Lui, c'est une brute. Mais j'ai l'impression qu'il me prend pour son sac de boxe. Son sac de boxe. Non, mais c'est horrible. Il sait être doux aussi oui, à côté. Il me traite, oui. Hein? Il sait être doux à côté aussi. Oui, oui, voilà. Il y a des moments, il va me prendre dans ses bras, on va faire un câlin, et puis c'est là que ça va un peu dériver et qu'on va faire l'amour. Mais c'est vraiment quand il est doux. Mais bon, quand il est brut. C'est une vraie discussion que vous allez avoir. Il faut qu'ils comprennent que toi, t'as pas envie de ça, Hélène. On va accueillir Dimitri. Il a 20 ans. Il est de Toulouse. Salut, Dimitri. Salut, l'équipe. Salut, Dimitri. Tu te reconnais peut-être dans le mec d'Hélène, toi? Non, du tout. Moi, c'est justement l'inverse. Enfin, c'était l'inverse d'Hélène, en fait. C'est-à-dire que moi, elle me demandait, en fait, que je la traite comme ça. Ouais. En fait, pour la petite histoire, en gros, je l'ai rencontré sur un jeu en ligne. Et en fait, au bout de. Quel jeu? Un mois. Pardon? Quel jeu? Ça s'appelle League of Legends. Bon, peut-être qu'il y en a qui connaissent. Bah, quand même, c'est, voilà. League of Legends, quoi. Tout le monde connaît. Ouais. Même non, moi. Pas. Non. Vous connaissez pas? Bah, même... si, même moi, je connais. Même moi. Ah, tu connais aussi. Bah, voilà. Il y a Coco, tu connais pas? Non, je connais Overwatch. Ah, ouais. Overwatch. Non, mais League of Legends, Dota 2. Tu connais Dota 2? Non. Dofus. Mais pas Dota. Dofus. Vas-y, Dimitri. Donc, tu rencontres quelqu'un sur League of Legends et qu'est-ce qui se passe? Donc, je la rencontre sur League of Legends, et puis au début, quand elle m'a envoyé des messages en privé, en fait, je jouais un perso qui attaquait avec sa langue, donc forcément, ça faisait des allusions sexuelles, et donc par message, en message vocal, elle me faisait des petits bruits, genre des trucs comme ça, quoi, donc j'avais compris que cette personne, on allait bien s'entendre si on se rencontrait, tu vois. Au bout d'un mois, on commence à discuter donc plus sérieusement, et puis on a décidé de se rencontrer, donc elle était de Nice et moi de Toulouse, et donc on s'était jamais vu enfin, c'était la première fois qu'on se voyait. Et en gros, au bout d'une heure, on a fait notre première fois ensemble. Et dès la première fois, elle m'a demandé que je la viole, que je l'étrangle, des trucs comme ça, quoi. Ah ouais, tout de suite. Genre, enfin, elle me disait des trucs comme ça, quoi. Donc, dès le départ, j'étais un peu choqué, quoi. Enfin, quand t'as, t'es en train de la prendre, et puis là, elle commence à te dire des trucs genre quoi. En gros, elle me disait genre viole-moi, ou alors elle gueulait, mais presque, je sais pas, si elle faisait exprès des trucs comme ça. Enfin, c'était vraiment. Et toi, quand tu. Franchement. Ouais, et franchement, le pire, c'est quand elle me demandait de l'étrangler. Alors ça, franchement, ça m'est resté... ça m'a marqué un petit peu au début, en tout cas. Puis après, on est resté 8 mois ensemble. Et après, au fur et à mesure, je rentrais un peu plus dans son jeu. Donc ça allait, tu vois. Mais au début, c'était space hein, quand elle me demandait des trucs comme ça. Ouf. Ah, t'as réussi à rentrer dans son jeu, quand même. À aller un peu plus loin. Après, elle avait... Donc, elle a 9 ans et demi plus que moi. Donc forcément, inconsciemment, indirectement, elle me dominait un peu sur ça, dans le sens que c'était elle un peu qui guidait au début, quoi, parce qu'elle faisait un peu la fille un peu plus expérimentée, normal. Et du coup, elle me demandait des trucs, elle me disait des trucs plutôt qui me passaient un petit peu au début, quoi. C'est un peu ce que t'es allé chercher aussi, hein, la fille plus expérimentée. Bon, voilà. Bon, après, c'est après ça, c'est pas un problème. C'est la manière dont elle le dit. C'est cash. Dès la première fois, au bout d'une heure. C'était direct. Justement, Doc. C'est une question qu'on peut poser parce que Dimitri et Hélène, ils ont vécu ça, ils sont avec nous. Et comment t'expliques que certaines personnes aient besoin justement pour s'exciter qu'on les insulte, qu'on leur manque de respect? Et genre qu'on les étrangle par exemple, enfin, c'est de la violence quand même, non? Oui, mais ça vient libérer certaines choses de la vie quotidienne, libérer des choses aussi parfois de l'enfance qu'on a vécue, où on a besoin de passer par là. Force. Voilà. Il doit y avoir démonstration de force dans le rapport sexuel, qui est quand même. Domination, toujours... soumission oui, aussi, non? Oui, bien sûr, il peut y avoir ça aussi. Hein, mais ça vient régler des choses qui sont fortement ancrées en soi. Et ça peut être aussi, comparativement à la vie quotidienne qu'on a, quand on est dans des positions sociales qui sont très importantes, on peut avoir besoin d'être totalement dominé dans ces rapports sexuels. Ça vient faire un équilibre, des fois. Bon, on va continuer d'en parler, c'est hyper intéressant. Et Dimitri, tu bouges pas. Hélène, pareil. Il y aura Tonio aussi qui va réagir, hein. Vous bougez pas, vous restez bien avec nous. Et une petite question à la con, c'est Guillaume qui va nous la poser dans un instant. T'es là, Guillaume?

walking out. I can hear you telling me to turn around. Fighting for my trust and you won't back down. Even if we gotta risk it all right now. I know you're scared of the unknown. You don't wanna be alone. I know I always come and go, but it's out of my control. And you'll be left in the dust unless I stuck by you. You're the sunflower. Your love would be too much, or you'll be left in the dust unless I stuck by you. You're the sunflower, you're the sunflower. Post Malone, Sunflower sur Fun Radio. Tous les soirs, 22h minuit. Love in Fun. Sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio depuis quelques minutes. On parle de ceux qui disent des trucs un peu hard au lit. C'est Hélène qui nous a appelé pour nous en parler. Hélène, 24 ans de Tours, qui nous a dit je sais pas ce qui s'est passé à un moment donné à mon mec, au bout de 2 ans, il a commencé à me parler mal. Genre vas-y, retourne-toi, je vais te défoncer ma petite salope. Ah, ouais. Hein, et ça t'a choqué Hélène. Dans ces cas-là, tu nous as expliqué que le mec il pouvait pas te toucher. On a eu plein de réactions, on a eu Dimitri qui lui a connu l'inverse. La fille lui disait carrément vas-y, viole-moi, étrangle-moi. Et ça bah forcément c'est, enfin quand t'es pas adepte de ce genre de pratique, hein, espèce de domination comme ça, t'as envie de te casser quoi. Moi j'avais connu une nana qui voulait que je la morde. Ah. À 100 quoi, tu vois, et moi j'avais pas envie, ça m'excitait pas du tout. Dans ces cas-là, si on n'est pas d'accord, il faut mettre le holà tout de suite quoi. Voilà, c'est ça. Ah. Bon, après, à un moment donné, c'était dès le début, ça fait quand même un peu hard. Après, quand tu connais quelqu'un, pourquoi pas un jour dire un petit mot un peu plus haut que les oui, autres, c'est ça, le faire ensemble tester. Quoi. Mais comme là, à chaque fois, c'est vraiment trash du premier coup, sans avoir rien dit d'avant. C'est quand même très étrange quoi. Moi, tu veux que je te dise, Hélène? Oui. Je suis sûr qu'il t'a trompé, qu'il a fait un truc avec quelqu'un d'autre et derrière il a ramené. Oh, tout de suite. À quoi bah, tout de suite. Franchement, je me suis posé la question. Bah ouais, ouais, ouais, mais moi je suis sûr qu'il a fait. Bah écoutez, chacun son opinion. Moi je sais sinon, pas. Sinon, moi je pense que. J'ai du pif. Hein. Écoute, regardez mon nez. Contre-argument, Hélène. Je pense que si t'avais véritablement trompé, il s'emmerderait pas à faire ça avec toi parce qu'il continuerait à être un peu trash avec son plan cul et il ferait ouais. L'amour plus normalement comme vous aviez l'habitude non, de le faire. Non, parce que ça s'est terminé. Toi. Avec l'autre personne et que alors... du coup il est un peu frustré, il a envie que ça continue avec sa chérie. Ça se trouve c'est des vidéos, ça se trouve depuis quelques temps, depuis toujours il s'excite avec des vidéos un peu plus trash, un peu plus voilà, avec de la domination et puis il a mis peut-être longtemps à te le dire. Ouais, mais bon. Ouais, peut-être aussi. Il s'est peut-être retenu pendant longtemps et puis à un moment donné, il ne pouvait plus. Et pendant voilà. 2 ans, bizarre, le mec il se retient et tout quoi. C'est pour ça que c'est sorti d'un coup comme ça. Bah c'est oui, ça, qu'il n'en pouvait plus. Ah, je vais le sortir, ça fait 2 ans que je le retiens. Ah, pute. Pardon. Alors, on va accueillir Tonio. 25 ans de Paris. Bonsoir Tonio. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Alors, j'espère que tu es un garçon délicat toi, Tonio. Non, moi je suis pas délicat, je suis dominateur. Non, je suis pas délicat du tout. C'est-à-dire, Tonio, tu fais l'amour et quand tu fais l'amour, il se passe quoi alors? Bah non, moi je baise, je fais pas l'amour. D'accord, tu baises. T'as 25 ans, hein, Tonio, hein, donc t'as jamais été vraiment amoureux, t'as toujours baisé quoi. Bah c'est ça, on peut dire ça, mais au début c'était posé avec ma copine et puis ben maintenant on est posé, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Maintenant ben on baise, qu'on préfère baiser que faire l'amour quoi, c'est plus simple. Mais t'es amoureux parce que là tu viens de dire oui, c'est un peu ouais. Ça, genre j'ai jamais été amoureux, mais ça fait 4 ans que t'es en couple. Tu l'aimes ta copine ou pas? Oui, bah bien sûr. Maintenant voilà, je l'aime mais... et puis on aime le sexe débridé. Oui voilà, vous aimez quand c'est vraiment sauvage et elle rentre dans ton jeu. C'est ça. C'est débridé comment ouais. Ouais, bah, débridé sexuellement, c'est à base d'insultes, à base de claques. Mais quoi comme insultes et où les claques? Grosse pute, grosse salope, vous bien ma bite, enfin voilà, des trucs comme ça. Et elle te dit et quoi en... Bah, elle kiffe. Ah, elle prend te dit rien. Non, ben non, parce qu'on en a discuté forcément ouais. Un peu longtemps. Et voilà, après, ben, on préfère faire du sexe brutalement que faire l'amour. Oui, avec non, beaucoup de respect. Oui, et voilà. Oui, voilà. Et ça lui va. Elle est contente, ça lui plaît. Voilà, ouais, c'est, sexuellement, on s'entend super bien, quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est ça, c'est juste quand vous faites l'amour, et, enfin, quand vous baisez, si tu veux, c'est pareil. C'est hein. Ouais, il y a de l'amour, et en dehors de ces relations, vous parlez normalement, quoi. C'est ça, ouais, bah oui, un couple est normal, quoi. D'accord. Mais quand je te disais, elle dit rien, c'était pas dans le sens où elle te dit, oh non, me parle pas comme ça, mais dans le sens, est-ce qu'elle aussi t'insulte pendant que vous êtes en train de le faire et tout? Ouais, elle peut me dire « gros bâtard, baise-moi bien », voilà, c'est des trucs comme ça. Ouais. Ok, mais elle te traite pas de petite salope. Non, pas abusé non plus. Ou de sa grosse pute. Non, c'est ça. Non, mais au cas où. Hein, mais si elle te disait « t'es ma pute », tu réagirais comment? Bah, il domine, lui. Bah, je domine, donc ça va être compliqué un peu. D'accord, et si elle te met une grosse claque dans la gueule pendant que... Non, ben, je vais la punir avec mon sexe. Une bifle. Tonio, le bifleur de Paris, le bifleur est avec fou. Nous. Il bifle. C'est intéressant, Tonio, parce que là, tu vois, Hélène, c'est deux personnes qui partagent le même truc, quoi, le même délire. Ils se sont bien trouvés. Ouais. Et ouais, et toi... vas-y, Tonio. J'avais une question à poser à Tonio. Oui. Si un jour, elle, par exemple, elle veut te dominer au moins une fois pour essayer, est-ce que tu serais capable d'essayer? Ben ouais, qui tente rien. Enfin oui, moi je suis ouvert, donc il n'y aurait pas de problème là-dessus. Ouais. Ferme ta gueule, petite salope. J'ai une autre question. Ouais, bien sûr. J'ai une autre question, Tonio, parce que tu vois, la situation d'Hélène, c'est que son mec, il est dans ce délire-là, et elle, non. Si ta copine, elle t'avait dit, ah ben non, moi j'aime pas ça, tu aurais continué quand même, tu te serais séparé d'elle, t'aurais parlé avec elle pour voir, une autre façon de faire. J'en aurais discuté, parce qu'après, quand vous êtes en couple ou autre, que c'est pas juste un plan cul, je pense que le mieux c'est d'en discuter pour essayer d'amener la personne où tu aimes. Après, si la personne, malheureusement, c'est pas son délire, j'ai envie de te dire, c'est tout. Après, essaye autre chose, quoi. Mais le mieux c'est de la discussion, quoi. Mais tu l'écoutes, après. Voilà, t'es à son écoute, pas comme le mec d'Hélène. Ça, son écoute, et puis faire parce que si vous êtes ensemble, c'est que vous aimez un minimum, et après je pense que si vous entendez pas sur le sexe, honnêtement, le couple il va pas faire long feu. C'est ce que plusieurs personnes me disent aussi. Ouais, moi honnêtement, je pense que le sexe c'est quand même un élément important dans un couple. S'il y a pas de sexe, ou si tu t'ennuies, j'ai envie de te dire, tu vas te faire chier toute ta vie, quoi. Ouais. Bon, après, Hélène, Tonio, voilà, il prêche pour sa paroisse, mais voilà, quoi. Oui, je comprends totalement. Hélène, si elle a pas envie qu'on lui parle mal, on lui parlera pas mal, quoi. C'est ça. Ouais. Faut qu'on te respecte. Hélène, elle dit aussi que son mec, il sait être doux des fois. Ouais. Ouais. Donc, c'est pas 100% du temps comme ça, et donc, du coup, évidemment. C'est parce qu'il veut quand même faire l'amour au bout d'un moment, quoi. Vu qu'elle le recale à chaque fois, il se dit, je vais y aller tranquille. C'est important de se faire respecter, Hélène, et d'en discuter avec lui, d'accord? Mais par contre, aussi, j'ai une question pour Dimitri. Comment il a fait pour rentrer dans le jeu de son ex-copine? En fait, le truc, c'est que, à force, parce qu'au début, en fait, clairement, on se considérait comme plan cul. Et au final, en fait, au fur et à mesure, on est vraiment tombé amoureux l'un de l'autre. Et du coup, on s'est mis d'accord, en fait, sur tout ça. On a discuté, pareil, comme après font tous les couples. Genre, on en discute un peu sur des pratiques, peut-être, qui peuvent être bizarres au début, quoi. Et puis, finalement, on a trouvé un bon terrain d'entente. Après, en détail, je peux pas t'expliquer, en fait. C'est vraiment par la discussion, par. Oui, c'est 50-50, quoi. C'est toi qui as fait un effort et elle qui a fait un effort aussi. Exactement, voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu fais des concessions comme lui peut faire des concessions. Finalement, ça se passe bien, quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Hélène. Hein, c'est que vous en parliez, que vous trouviez peut-être un jeu qui te va bien à toi, un peu, des fois, un terrain d'entente, un compromis, quelque chose au milieu. Voilà, mais en tout cas, il faut de la communication et de la discussion entre vous deux. Ah, des concessions. On a déjà essayé d'en parler, j'ai déjà essayé de l'en parler. Remettons les choses à leur place, mais en fait, j'ai l'impression qu'il m'entend mais qu'il m'écoute pas, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça, Hélène, si tu veux, nous, on peut éventuellement lui en parler. Tu sais que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans cette émission, on appelle directement la personne, parce que c'est vrai, on est toujours un petit peu frustré, hein, je te le dis, Hélène, de pas pouvoir avoir l'autre personne, hein, pour pouvoir lui parler et savoir ce que lui, il en pense. Tu comprends, Hélène? Je comprends. Le problème, c'est que là, cette semaine, il bosse de nuit. Donc on se rappelle. On se rappelle dès qu'il est dispo, oui, quand Hélène. Tu veux. Et avec grand plaisir. Ok, je vous tiens au courant. Ouais. Et franchement, on parlait de compromis et tout, de faire des efforts. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Hein. Franchement. Elle les a déjà fait. Efforts, Mais faire des efforts, pourquoi? Essayez un peu. Mais, par exemple, des petits mots du style. Mais si ça te fait pas kiffer. Comme ça. Oui. Mais si t'aimes pas. Bien essayer de temps en temps, voir si au bout d'un moment, ça peut m'exciter. société. Comme disait Dimitri, du 50-50, quoi, concession et concession. Tu peux toujours essayer, mais a priori, t'as pas l'air fan derrière, du délire. Il part direct en grosse salope, vieille pute. Non, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Ouais, moi, ah ouais, carrément. Moi, je disais qu'il s'agissait que vous parliez tous les deux pour trouver le petit mot qui te va à toi d'abord. C'est-à-dire qu'il fasse vraiment un pas vers toi pour que toi, peut-être, tu ailles un peu plus vers lui, mais pas directement vers les phrases qu'il te dit, hein, mais que ça avance un peu dans ton sens aussi, hein, et voilà. Pas seulement dans le sien. Des bons conseils en tout cas, et je pense que Hélène, là, tu sais maintenant ce que tu vas pouvoir lui dire, là, ça va être important, et n'oublie pas, dès que il est dispo, on l'appelle et on voit directement avec lui, ce sera encore mieux, tu verras Hélène, d'accord ? Ok. On te fait des gros bisous. Ok, bah gros bisous, et je dédicace cette émission à Mazmilinou. Eh ben nous aussi, alors, gros bisous Hélène, et on va remercier Dimitri et Tonio, salut les gars. Salut. Salut. Ciao. Salut. Eh hey, Tonio. Ouais. Salut petite salope. Allez. À bientôt Tonio. Allez, et ça, on envoie des sextoys les loups à tout le monde. Allez hop, Arthur Merci. Est avec nous et il nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Arthur. Salut l'équipe. Salut. Salut. Alors, on a posé on a posé une bite sur ton épaule ou pas aujourd'hui? On vous en rappelez, c'est déjà. Arthur nous avait déjà appelé, on va prendre des nouvelles d'Arthur qui nous avait appelé. Voilà, je suis en angoisse. Quand je dors, mon coloc pose sa bite sur mon front, sur mon épaule. Il fait l'hélicoptère avec sa bite. J'en peux plus. On avait appelé ton coloc en direct. On va prendre de tes nouvelles dans un instant. Le numéro de téléphone pour nous appeler, c'est le 01 42 48 5000. Arthur, dans un instant avec nous. La battle, 100 euros de chèque cadeau à dépenser sur le site t-shirt-corner.com. 01 42 48 5000, c'est le numéro. Voici Sound of Legend sur Fun Radio. Sound of Legend sur Fun Radio. La battle. Loving Fun. Sur Fun Radio. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur Fun Radio. Une nouvelle battle va commencer. Et nous allons accueillir nos deux candidats ce soir. Angélique, 25 ans de Tours, est avec nous. Bonsoir Angélique. Mettez Angélique à l'antenne, les amis. Bonsoir Angélique. Bonsoir la famille. Bonsoir. Salut. Angélique. Jérémy également, salut. 26 ans du Cap d'Agde. Bonsoir. Salut, Jérémy. Salut l'équipe, ça va? Salut. Bienvenue tous les deux dans une nouvelle battle. Vous le savez, là, toute la semaine, on vous offre 100 euros de bons d'achat dépensés sur le site t-shirt-corner.com. Et ce soir, on va faire un jeu qui s'appelle Le Dernier Mot. Qui aura le dernier mot? Il faut imaginer ça comme un ping-pong. Hein. D'ailleurs, c'est pas le dernier mot, c'est le mot de la fin. Hein. Parce que c'est marqué le dernier mot, mais en fait, non, pas du tout. Il y a écrit le mot de la fin. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Et ce soir, pour jouer, et il va falloir tout simplement nous donner un maximum de mots. Et vous allez changer tour à tour. Voilà, donner vos réponses tour à tour. Est-ce que c'est clair? Parce que j'ai l'impression que je suis pas clair. Ouais, moi, je trouve pas ça clair. Hein. Non, moi non plus. Très bien. Non, je vais donc résumer. Un exemple peut-être. C'est... Pas du tout. Ouais, un exemple, ouais. Non, mais attends. Ouais, ça pourrait nous aider. Ouais, un exemple, ouais. Fermez vos gueules, c'est mon jeu. Ce soir, on vous pose des questions. Chacun votre tour, vous allez donner une réponse. Celui qui saura plus quoi dire aura perdu. C'est un ping-pong entre vous deux, voilà. Ça peut pas être plus simple. Tout simplement. Hein? Par exemple, d'accord. Vous voulez un exemple? On vous dit nous citer une couleur, car elle va dire bleu. Moi, je vais dire rouge. Jaune. Après, je vais dire rose. Ah, je sais plus. Il a bloqué. J'ai perdu. Et j'ai gagné parce que j'ai eu le mot de la fin. C'est bon, vous avez compris? Oui, c'est bon. Alors, c'est un ping-pong. Normalement, si Coco avait travaillé, il n'aurait pas marqué le mot de la fin, déjà pour commencer. Et puis surtout, il vous aurait expliqué le jeu. Mais c'est pas grave. Oui, bah, il nous a expliqué. Hein. Ah, bah alors pourquoi vous. Eh hey. J'adore. Bah alors, Angélique, tu te fous de ma gueule? Non. Ok. Allez, c'est parti, ouais, on joue. Là, c'est mieux expliqué. On y va? Vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Ok, c'est parti. Citez-moi un synonyme de saint. Angélique, tu commences. Michon. Nibar. Téton. Biche. Baloche. Lolo. Nibar. Déjà dit. Déjà dit, Nibar, ah oui. Alors, il y avait effectivement Néné, Nichon, Boobs, Nibar, Lolo, Mamel, Robert, Parchoc, Doudoune, Pastèque, Pamplemousse, Melon, Poire, Smarties, Gougoute, Mich, Nibs, Tété, Poitrine, Père, Airbag, Poumon, Bouée. Il y en avait beaucoup. Ouais. On y va pour une nouvelle question. Ça fait un point pour Jérémy pour l'instant. Hein. Un objet qui a déjà été retrouvé dans un cul. À vous de jouer. Angélique, tu commences. Un concombre. Un pied de chaise. À quoi? Une canette de bière. Attends. Un pied de chaise. Il n'a jamais été bloqué dans un cul, le pied de chaise. Eh non, c'est une mauvaise réponse. Et pourtant, il y en avait. Hein. Ah oui. Dont le concombre. Oui. Alors, j'ai une liste hallucinante. Et franchement, il y a des trucs qui me font flipper. Imaginez qu'on a retrouvé dans un cul, bon, une salière, ok? Mais une rallonge électrique. Il y a pire. Qui a l'idée de mettre une rallonge électrique? Un Buzz l'éclair a déjà été retrouvé dans un cul. Hein, on parle bien de la figurine. Hein, Un batteur de cuisine, ça c'est quand même. Bah oui, et ça. Un hamster a déjà été retrouvé dans un cul. Un pot de beurre, de cacahuètes, un sucre d'orge, une lampe torche, un pot de café, des clés, une prise de courant, un gobelet, une balle, d'un flingue. Ouais, et un god aussi avec des pinces. Alors ça, c'est assez énorme. J'ai trouvé la photo, je vais vous la publier. D'ailleurs, c'est énorme. En fait, c'est pas la photo, voilà, c'est la radio. Bien sûr. On voit vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Parce que généralement, quand on s'est mis ça dans le cul, on finit à l'hôpital. Hein. C'est ça, exactement. Oui. Et en fait, bah, c'est pour ça que tous ces objets ont été recensés, parce que finalement, on n'a pas réussi à les ressortir. Et il y a un god qui a été un peu trop loin, et la personne a essayé de le ressortir avec des pinces. Et en fait, les pinces, mais comme des pinces de cuisine, tu vois, pour servir à manger. Et sauf que les pinces sont restées bloquées avec autour du god, quoi. Donc le tout était resté dans son cul. Quelle horreur! C'est horrible! Voilà. Eh bien, voilà. Faites attention à votre anus. On vous ne le répétera jamais assez. Ça fait donc. 1-1. Un partout. Eh ouais. Nouvelle question. Citez-moi une partie du corps qui n'a pas de poils. Tu commences, Jérémy? Les yeux. Angélique? Les fesses. Eh non, les fesses, bien sûr, il y a des poils sur les fesses. Ah oui, les hommes, il y en a. Bien sûr. À l'anus, mais pas sur les fesses. On vous prend une photo. Il y a du duvet. C'est, ah oui. Tu vois, il y a des poils sur tout le corps. Bien sûr, ouais, ouais. On vous prend une photo de, des fesses de Cassim, vous allez voir qu'il y a... Il y a du poil, Angélique. Angélique, franchement, je suis un petit peu déçu. Bah ouais, il y avait plein d'autres endroits. Comme par exemple, Alice. Bah comme par exemple, l'intérieur de la bouche, la plante des pieds, le bout des doigts, les dents, exactement. Le nombril. Le nombril, nous disait Doc aussi, il y avait un autre endroit... Alors là, je l'ai plus en tête. Enfin, il y a plein d'endroits déjà, mais pas les fesses. Pas les fesses, bien sûr. À la rigueur, sur l'anus. Les cicatrices. Ah oui, les cicatrices. Sur les cicatrices, il n'y a pas de poils. Mais ça dépend lesquels quand même. Faut Cassim. Cassim. J'ai plein de poils dans le nombril, moi. J'ai même des bouts de t-shirt. À l'intérieur. À l'intérieur. Il n'y en a pas à l'intérieur. Là où on a coupé l'ombilique, non. Ok, c'est un médecin qui te le dit, alors ferme ta gueule. Le cordon ombilical, là, il a été coupé, il ne peut pas y avoir de poils. Ouais. Sur le gland, sur la langue, à l'intérieur du vagin. Ouais, voilà, clitoris, pas de poils. Voilà, alors il y avait beaucoup de parties, et franchement, Angélique, j'ai honte pour toi. Alors, nouvelle question, un prénom commençant par la lettre M. Et on commence par Jérémy. Martin. Angélique. La lettre M, Boulbite. Quoi? T'as dit quoi? Boulbite. M. Un prénom commençant par la lettre T'as M. T'as dit quoi comme prénom? Elle a dit Boulbite. Manu. Non, j'ai pas dit Boulbite. T'as dit quoi alors? Vous dites. Manu. Ah, vous dites, elle a dit. Ah, d'accord. Non, j'ai dit vous dites, j'ai pas ouais, dit. Ouais, bien sûr. Non, elle a dit Boulbite. Boulbite. Elle a dit Boulbite. Non, non. Bon, ouais, vous savez quoi, on recommence. D'accord? Jérémy, oui. Tu commences. Avec la lettre M. Oui. Oh, vous êtes nul. Putain, M comme Michel. Allez. Martin. Angélique. Manu. Maximilien. Maxence. Martine. Michael. Michelin. On l'accorde. Bah oui, c'est Manuel. Bah t'as déjà dit Manu. Bah oui. Ah, Manuel, ça marche. Manuel. Jérémy, ça marche. Jérémy. Micheline. Angélique. Michel E, on l'accepte. Jérémy. Bah oui. Mohamed. Angélique. Mourad. Jérémy. Mouloud. On est sur une thématique là. Angélique. Mathilde, ça marche. Jérémy. Matt. Angélique. Martin. Non, déjà dit. Ah, c'était le premier de Jérémy. Il y avait Maïlis, il y en avait plein d'autres. Arrête de te la péter, Jérémy. Je suis sûr qu'il a sorti le dico. Il était sur internet là. Ça aide le baccalauréat. Je suis un bon. Non, mais j'ai eu le Michel de Zelle. On accordait pas mal de choses. Le Manu, le Manuel. C'est deux prénoms différents. Mais oui, non, mais bon. Celui qui s'appelle Manu s'appelle pas Manuel. C'est vrai. Mais souvent, c'est une contraction. Oui, mais il s'appelle pas. On va faire. Voilà. Bon, bref. Allez. De toute façon, t'as perdu, Angélique. Sur les prénoms, là. On continue. Même, il y avait le Michel. Une expression pour dire faire l'amour. Et on commence par Angélique. Baiser. Je sais pas si ça a marché. Tata yo-yo. Non, ça marche pas. C'est quoi ton délire? T'en avais plein avant tata yo-yo, je pense. Tata yo-yo. Moi, c'est ce que je dis à ma femme. Je viens à faire tata yo-yo. Oui, d'accord, bien sûr. Ouais, mais ça, c'est au Cap d'Agde. On l'a fait à la Nicordie. Bah voilà, c'est ça, en fait. Bien sûr. Alors, il y avait tremper le biscuit, faire coulisser l'andouillette, lui dégivrer le congélo, ouvrir le berlingot, galvaniser les escalopes, passer la dinde au four baisé, niquer, faire digligli, s'emboîter, se prendre, remuer le gigot, chatouiller le nénuphar, balayer ses enfants, faire des bébés, chevaucher sans selle, tirer sa crampe et enfin déposer les enfants à la piscine. Eh ouais, on dit tout ça. Alors, c'est donc une victoire ce soir, Alice. De Jérémy, bravo. Ouais. Jérémy. Le Cap d'Agde a remporté. Eh ouais. 100€ Michelin. De bon achat à dépenser sur le site t-shirt-corner.com. Tu vas te régaler là pour les fêtes de fin d'année. Tu vas pouvoir faire aussi des cadeaux autour de toi. Félicitations. J'ai mon bébé qui va arriver, donc c'est type. Oui. Super pour les bébés en plus. Il y a des super trucs avec écrit je m'en bats les couches. Ouais, c'est vrai. C'est bon ça. C'est ils sont excellents.

T'as fait un rap, mais tu crois pas... Attends, Arthur, deux secondes. Tu crois pas que là, le mieux, c'est quand même de dire à Loïc que tu vas essayer de dire à sa copine que ce que t'as raconté, c'était du mytho. C'est peut-être ça qui compte plus que de lui faire un petit rap, parce que là, je crois qu'il doit être en galère, non? Il est plus avec sa copine, là? J'ai pas trop de nouvelles sur ça. Je sais pas s'il est retourné avec ou quoi, ou qu'est-ce qu'il a pu s'expliquer, mais... voilà. Il y a ton message dans ton il rap. Il parle plus, quoi. Dans ce que t'as écrit. Ouais. Bah, si tu veux lui faire passer sous forme de chanson ou autre, n'importe, quoi. Mais tant que tu t'excuses et que tu mets les choses à plat. C'est ça, faut après, le message du rap, c'est vraiment genre, ben, désolé, quoi. Ouais, enfin, désolé, c'est un peu facile, quoi. Faut qu'il te pardonne et qu'il veuille bien te pardonner. Donc, même dire, oh, je m'excuse, ça ne se fait pas. Hein. Il faut qu'il te pardonne. On va appeler dans un instant Arthur, tu restes avec nous. On va appeler ton coloc, Loïc, j'espère, depuis qu'il s'est remis quand même avec sa copine, parce que là, une séparation sur un mytho comme ça, c'est débile. Hein. On en parle dans un instant. On appelle le pote d'Arthur, enfin le pote, son ancien coloc, et voici David Guetta sur Fun. If it's true, then why you running? You running? Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh, oh. Say my name, say my name. If you love me, let me hear you. Say my name, say my name. I am dying to believe you. Let go, come on. Escucha como digo tu nombre. Desde Medellín hasta Londres. Cuando te llamo la mala responde. No pregunta cuándo, solo dónde. Te dejas llevar de lo prohibido, eres adicta. Una adicción que sabes controlar. Y te deja llevar lo más caliente en la pista. Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Say my name, if you love me, let me hear you. Say my name, I am dying to believe you. Dis mon nom, David Guetta sur Fun Radio. Love in Fun. Love in Fun. De 22h à minuit. Avec Karel, Alice et Doc Pavajo. Avec cette histoire avec j'ai l'impression une série à suspense, hein, puisque depuis quelques minutes Arthur de Bordeaux nous raconte un petit peu ce qui s'est passé. Il nous avait appelé il y a quelques semaines pour nous dire voilà, mon coloc il pète des câbles, il est toujours à me faire des vannes avec sa bite, il me réveille et il colle sa bite sur mon épaule, hein, c'est ce qui était un peu relou. Donc on avait appelé ton coloc qui nous avait bien fait marrer, hein, parce que ton coloc il a l'air plutôt fun et tout, et c'est pour ça je suis pas bien là. T'es pas bien. Alors, t'es pas bien parce que derrière l'appel, il a continué de faire des vannes. Hein, il était en train de danser à poil avec son gilet jaune. Moi, ça me fait marrer. Mais ouais, toi, mais c'était en pleine révision quand même. C'était en pleine révision. Et il avait dit de s'arrêter. Il avait dit de s'arrêter. Ouais. Bon, après, ça va quoi. Tu vois. Je sais pas. Moi, ça m'a pas choqué. Mais Arthur, voilà, un petit peu cul serré et tout. Du coup, il a trouvé malin d'appeler la copine de Loïc pour lui dire, écoute, j'ai une info. Loïc te trompe avec une autre meuf. Donc là, gros mytho. Loïc se prend la tête avec sa meuf. Loïc décide de quitter la coloc. Donc là, c'est bon, ça y est, t'es tranquille, t'es tout seul comme un con. Hein. Et, ouais, et en bah, plus, t'as foutu la merde dans la vie de Loïc. Oui et non, parce que je suis quand même après allé dire à sa meuf que c'était une connerie, tu vois. Genre. Bah attends, mais tiens, tu nous as pas dit ça il y a deux minutes. Non, j'ai dit que je savais pas si t'es encore ensemble, mais je suis allé voir la meuf, hein, j'ai envoyé un message et je lui ai dit ouais, c'est une connerie quoi. Ok, bon, alors après, ça change tout. Reste, je sais pas. Hein, ce qui est ça vrai, change je sais tout. Pas, mais... Ça change tout, Arthur. Donc t'as rétabli la vérité. Oui, voilà, mais je l'ai dit. Mais ouais, mais ça fait quand même chier parce que voilà, il est plus là. Enfin voilà, comme un con quoi. Donc t'as envie de récupérer ton coloc et de te réveiller avec un sexe sur l'épaule. Hein, ça te manque finalement, tu vois. Hein. Bon, on appelle. On appelle Loïc tout de suite en direct. Allez, Arthur. Arthur a prévu une petite surprise à Loïc. J'ai très peur. Bon, bah... Allô ? Allô, Loïc ? Ouais, c'est Arthur. Ça va ? Ouais, c'est la mieux, pourquoi? Ouais, dis, c'est pour l'histoire de la dernière fois et tout. Du coup, je voulais juste te dire un petit truc, mais je voulais y mettre les formes. Donc, on va faire ça bien. Si on peut mettre l'instrumental. Ok, Loïc. C'est pour toi. Ça fait longtemps qu'on se connaît, toi-même tu sais j'ai déconné pour toutes les fois où tu m'as montré ta bite, en aucun cas j'aurais pu prendre la fuite, mais cette fois celle-là c'est pas passé. Une fois de plus tu me l'as montré, j'en ai ma claque, je suis dépassé. J'appelle ta meuf, j'ai mitonné en 3 secondes, j'ai tout cassé, mais tu peux pas savoir à quel point je suis désolé. Loïc, fais tourner ta bite et reviens tout de suite. Loïc, refais l'hélico, toi-même tu sais t'es mon frérot. Bravo! Putain, c'est quoi ce rap? Mais il y a de l'idée. Franchement, il y a de l'idée. Non, bravo. Il y a de l'idée. Bonsoir Loïc, tu l'auras compris, t'es en direct sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Bon, magnifique rap. Loïc, que s'est-il passé avec Arthur? On vous avait laissé, vous étiez... copain comme cochon. Et là, rien ne va plus, tu t'es barré, il a mitonné avec ta meuf. Bah, il a rétabli la vérité. Loïc, t'en es où, toi? T'habites plus avec Arthur? T'es toujours avec ta copine? On veut tout savoir. En gros, bah, je pense qu'il a du tout vous raconter. De base, bah, il en avait marre après le jour où je suis arrivé avec mon gilet jaune et j'ai montré mes fions. Donc il a pété un câble et tout, du coup on s'est un peu embrouillé, après j'étais parti et après ma meuf elle m'a envoyé un message et tout, comme quoi elle me quittait, elle avait appris des trucs et tout, du coup après je suis retourné direct la voir et tout, avoir des explications, elle m'avait appris, elle m'a dit ouais c'est ton pote et tout, il a dit qu'il t'avait vu baiser avec notre meuf et tout machin, j'étais là mais c'est quoi ce délire et tout. Du coup après, je lui ai dit après. Ouais, mais du coup j'ai pété un câble et on s'est vachement embrouillé, j'ai préféré partir parce que bah... je me suis dit, je pensais que c'était mon pote et tout, et en fait me faire carrément un couteau dans le dos, quoi. Genre, en plus, il a bien visé, quoi. Ma meuf, je la kiffe de ouf et tout. Enfin, je la kiffe toujours, heureusement, parce qu'on est toujours ensemble. T'as de la chance pour ça. Alors, comment ça s'est passé? Ça va, alors. Bah, au final, j'ai galéré. Et au final, Arthur a pris les devants, il a appelé, il a dit à ma meuf qu'il était désolé et tout, qu'il avait balancé un mytho, après il avait raconté tout ça et tout. Du coup, après, ma meuf, elle m'a rappelé, on s'est revu et on s'est remis ensemble. Mais bon, ça m'a fait chier dans l'instant parce que de base, bah, Arthur, t'étais un de mes meilleurs potes, quoi. Genre, je te kiffais de ouf. Tous les délires que je faisais, genre le gilet jaune et tout, je savais pas que t'étais en train de réviser de base. Moi, c'était juste pour faire le con, quoi. Parce que ça fait bien de se détendre un peu. Je me suis dit, bon, attends, il m'avait demandé de me calmer et tout. Je savais que j'avais rien fait depuis. Je me suis dit, attends, je vais peut-être le faire rire en faisant ça et tout. J'ai trouvé une putain d'idée. Au final, bah, c'est parti en couille et je m'en suis toujours voulu. Et après, quand tu m'as fait ce couteau dans l'eau, je me suis dit, bah, en fait, c'est pas un pote, ça, c'est un gros bâtard. Ouais. Quel pote peut faire ça, quoi? Quel pote peut faire ça, Arthur? Bon, tu l'as dit dans ton rap, t'as déconné. Mais après, voilà. Énormément de regrets. C'est mon pote, je le connais depuis je sais pas combien de temps, il sait tout sur moi, je sais tout sur lui. Il a vu ta bite. Je peux pas lui en vouloir, il a eu un ras-le-bol avec les révisions et tout, donc. Mais ton rap, il est stylé, frère. Voilà. Ah, merci. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer tous les deux là? T'habites où maintenant, toi, Loïc? Bah, moi, j'habite chez ma meuf, après je reviens travailler à l'école et tout. Et tu veux plus vivre avec Arthur? Je sais pas, on verra. Oh là, reviens, frérot. Ouais, bah oui. Oh, suspense. Reviens, frérot. À l'histoire de couple. Ramène ton gilet jaune et ton fion. À une condition. Ah, c'est quoi, Loïc? Dis-moi tout. Je fais le gilet jaune avec moi. Bon, à la base, c'est pas trop ça, le gilet jaune. Hein. Mais bon. Le gilet jaune a été détourné. Bon, et Loïc et Arthur, j'ai l'impression que vous aimez comme des frères. Et là, vous faites la gueule comme des cons. Hein, même donc... dans des histoires fortes d'amitié. Même moi, ça me faisait chier parce que je voulais t'envoyer plusieurs fois des messages, mais je me suis dit, est-ce que c'est à moi de faire le premier pas ou, enfin, je sais pas. Bah, moi, je savais pas comment le dire et puis bon, j'ai trouvé quoi. Ben voilà. Donc, je me suis lancé quoi. J'ai l'impression que c'est une belle histoire d'amitié qui va continuer ce soir et ça fait plaisir. Loïc, acceptes-tu de vivre en coloc avec Arthur et parfois de poser ta teub sur son épaule? Ouais, allez, vas-y. Il a dit oui. Ouais, il a dit, il oui. A dit oui. Oui, oui, oui, oui, oui. Arthur, c'est le retour de la bifle. Ça, finalement, tu es vers mon frère. Finalement, t'es heureux, Arthur, ce soir. Ouais, bah bien sûr, ouais. Bon, c'est cool, franchement. Mais quelle histoire! Non, mais sans déconner, je pensais pas qu'on allait aller si loin avec cette histoire. Ça a pris des proportions et tout. Loïc, Arthur, vous repassez tous les deux en tête, vous allez pouvoir vous parler. Et n'hésite pas, hein, s'il y a un nouveau rebondissement dans la série Arthur et Loïc, hein, n'hésitez pas. Salut les gars! Ça marche. Salut, ciao, bonne soirée tout le monde. Salut, gros bisous. Dans un instant, c'est Sarah, 26 ans de Paris, elle est animatrice. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Salut. T'es animatrice, quoi toi? Avec des enfants. D'accord. Oh, okay. Cool. Et ce soir, tu nous appelles pourquoi? Moi en fait, ça fait 8 ans que je suis avec mon mec et ça fait 8 ans que je le trompe. Waouh, c'est chaud ça. Tu vas tout nous raconter dans un instant. Dites-nous, okay. Hein, vous avez déjà été en couple avec quelqu'un et vous pouvez pas vous empêcher de tromper la personne. 01 42 48 5000. À tout de suite sur Fun Radio. Suivez-nous sur Instagram en tapant Loving Fun. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. En direct de Rouen, les amis. Rouen, un incroyable talent. Je voudrais que nous accueillions Sarah. Et c'est quoi, Sarah, ton talent? J'ai des chansons que je chante aux enfants quand ils sont sur le pot et ça les aide à aller sur le pot et à faire caca. Ah ouais? Moi je veux pas faire popo et dans le pot. Non, je veux pas faire popo dans ma couche. Faut que j'aille aux toilettes, ça va. Tu chantes ça à un enfant, vraiment, ça finit par arriver. Oui, j'ai fait à ma petite sœur et ça a marché. Et tu le fais plusieurs fois? Non, maintenant elle écoute du Joule. Réécoutez Bruno dans la radio en podcast sur funradio.fr.

Radio. Love in Fun partout, sur Facebook, Instagram, le compte Love in Fun. N'hésitez pas à aller vous abonner. On a un compte perso aussi, moi c'est Karel Fun Radio. Et toi c'est quoi Alice? Moi c'est Alice-du-bas Radio. N'hésitez pas, et on vous poste régulièrement des petites photos. D'ailleurs, sur l'Insta de Love in Fun, on a mis une petite story aussi, allez mater. Hein. Oui, carrément. 01 42 48 5000. Oh mon Dieu, une question à la con! La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Oui, c'est la question à la con sur Fun Radio. Et ça fait plaisir à Doc. Attention, Doc adore les questions à la con. Oui. Souvent, il nous dit, mais on n'a pas eu de question à la con ce soir. Tiens, Doc, elle est pour toi. Cette petite question à la con nous est présentée par Guillaume, 22 ans de Lille. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, l'équipe. Bonsoir. Je vais faire un rap, moi. Tu veux faire un petit rap? Bah non, mais je me disais que ça pourrait être pas mal, quoi. Ok, bah coupons la musique, mettons la petite instru. Non, t'es con. Allez, vas-y, pose ton flow, Guillaume, en direct de Lille. Yeah. Un, ouais, oh, eh. Non, moi j'ai pas son flow. Coco. Yeah, allez, vas-y, Coco. Enchaîne. Guillaume, 22 ans, de Lille, il s'appelle Guillaume, G-U-I-2-L-A-M-E. Yeah. C'est de la merde. Coupe, c'est honteux. Guillaume. Ouais. Guillaume, putain, mais quelle pêche, quel dynamisme à 23h50 sur Fun Radio. Guillaume, quelle est ta question? Quand on écoute l'émission. Bien alors, sûr. Moi, je voulais savoir pourquoi je pissais jaune. Parce que, genre, je kifferais pouvoir pisser d'une autre couleur, en fait. Mais tu peux! C'est un bon délire. Mais pourquoi tu pisses tout le temps jaune, toi? Ouais, enfin la majorité des gens pissent jaune. Enfin, t'imagines, tu pourrais pisser bleu, ça te démarquerait vachement des autres quand même. Quoi, cette question? Ça peut t'arriver si tu bois du bleu de méthylène. Tu du peux bleu de méthylène. On peut boire ça du. C'est un colorant, oui, qui est absolument sans toxicité aucune. C'était des blagues qu'on pouvait faire étant petit, effectivement, de faire boire ça à l'insu de son plein gré. Ah oui. Après, faites des blagues entre amis. Je crois que si tu manges des betteraves, ça va le colorer plus en rouge. Enfin voilà, tous les colorants alimentaires naturels. Alors, pourquoi c'est jaune le pipi, Doc? Alors, c'est à cause des pigments biliaires. Ça va être la dégradation de ce qu'on mange et faite principalement par ce qui est dans le foie et la vésicule biliaire. C'est de la bile et la bile, ça a des pigments biliaires qui sont de cette couleur-là. Et donc, ça vient teinter aussi bien ce qu'on mange que ce qu'on avale. Et donc, ça se retrouve dans les urines. Et alors, je pense que tu ne bois pas assez d'eau, Guillaume, parce que c'est vrai que dès qu'on boit beaucoup d'eau, on pisse, c'est tout blanc. Hein. Voilà, c'est ça. Si tu bois du thé vert par exemple, ou de l'eau gazeuse, ça va être beaucoup moins coloré. D'accord. Ouais, mais l'eau, c'est pas bon pour le foie. Ah bon? Tiens, c'est une drôle de nouvelle. Tu as des études là-dessus? C'est Guillaume l'alcoolique qui nous appelle. Alors, on peut faire caca blanc, Doc? Oui, ça existe. Les selles peuvent être totalement décolorées lorsqu'on a des maladies, justement, du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas. D'accord, bah je un signe de pas. Maladie. Ah oui, ça ne fait voilà. Posez-vous des questions si vous avez fait caca blanc. Alors le Guillaume. Ouais. Merci d'avoir posé cette question. Ah, c'était une bonne question la con ça, Guillaume. Merci. À bientôt Guillaume. À bientôt l'équipe. À bientôt. Salut. On va accueillir Sarah, 26 ans de Paris. Bonsoir Sarah. Coucou. Ah, t'apprends des choses hein, ce soir. Oui. Ah ouais, c'est très intéressant. Ça fait 8 ans que t'es en couple. Oui. Et ça fait 8 ans que... Que je trompe mon copain. Voilà. Attends, mais ça c'est fou. Alors ça, franchement, j'entends ça et je me dis, putain, le pauvre. 8 ans que... Ouais. Mais alors, en 8 ans, donc ça veut dire que tu l'as rencontré à l'âge de 18 ans. Mmh, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait en 8 ans? Vous habitez ensemble? Vous avez eu un enfant? Non. Pas d'enfant. Vous habitez ensemble depuis longtemps. Vous avez l'intention de vous marier. C'est quoi vos projets? Vous avez une maison tous les deux? Vous en êtes où? Bah pour l'instant, on vit ensemble, mais on a des projets de fonder une famille, d'investir tous les deux. Et donc, c'est ce qui complique un petit peu les choses pour moi, puisqu'en fait, au départ, j'avais pas de regrets, pas de culpabilité. Et au jour d'aujourd'hui, c'est tout le contraire, en fait. Je culpabilise beaucoup et j'ai du mal à vivre avec ça, en fait. Tu l'aimes? Oui, je l'aime, tu sais plus trop? Si, je l'aime. T'es bien avec? Pardon? Tu es bien avec, la vie quotidienne se passe bien, il n'y a aucun heurt dans votre couple, tout se passe bien? Bah, je pense comme tout le monde, il y a des hauts et des bas, il y a des choses qui... Mais alors, attends. Je parle globalement et sexuellement, avec lui. Bah, ça se passe très bien. Aussi. Mais ça fait 8 ans que tu le trompes. Tu trompes avec qui? C'est à chaque fois des partenaires différents. Pourquoi est-ce que tu vas voir ailleurs? C'est quoi ces pulsions là? Parce que franchement... C'est des liaisons des fois qui durent, parfois qui ne durent pas, ou des personnes que je revois de temps en temps. Mais t'aimes pas ton mec, c'est des conneries ça. Comment tu peux dire que t'aimes ton mec si tu le trompes depuis 8 ans? Ouais, tu fais pas ça. Ce que tu veux me dire. Tu fais pas ça à quelqu'un que t'aimes, non? Je sais pas. Enfin, c'est long 8 ans. Il peut parfois y avoir que du désir sexuel. Pour d'autres. Il y a des gens qui ont plus de désir sexuel que d'autres et qui sentent le besoin qu'il faut toujours aller séduire, toujours avoir quelqu'un d'autre. Mais de là, passer à l'acte. Oui, bien sûr. Non, non, c'est une vraie question qu'il faut se poser, bien évidemment. Hein. C'est qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs? De quoi tu as besoin et qu'il faut aller trouver ailleurs que tu ne peux pas trouver dans ton couple à un moment donné? D'accord. C'est une vraie question. Hein, c'est une question de fond à laquelle il faut réfléchir. Peut-être en discuter avec quelqu'un aussi pour savoir. Voilà, ça a une fonction. Je veux dire, si tu le fais, que c'est plus fort que toi, que t'entretiens des relations, qu'est-ce que tu vas y chercher? Qu'est-ce qu'il y a qui, a priori, peut-être n'est pas complètement rempli dans ton couple ou qui ne le sera jamais parce que tu veux pas et que tu... Est-ce que c'est pas ton espace de liberté et que tu crois que c'est cette liberté-là hein, alors que le couple, c'est être libre, mais ça veut pas dire aller voir ailleurs. Hein. Ouais. Bon, et Sarah, parle-nous, là, parce que là, tu dis ouais, mais tu qu'est-ce que tu fais, en fait? T'es toujours fait, avec... Ça s'est calmé depuis quelques mois. Je suis sage, on va dire. Ouais. Mais en fait, maintenant, je culpabilise de tout ce que j'ai fait. Donc, je sais pas ce que je dois faire maintenant. Est-ce que je dois lui dire? Est-ce que je dois le quitter? Est-ce que je dois rester quand même avec et essayer de rattraper mes erreurs? La vraie question, c'est effectivement, est-ce que tu l'aimes? Elle a dit oui. Tu comprends ça, Alice, toi, qu'on peut tromper comme ça pendant 8 ans Ce que je comprends moins, c'est quand après on te dit oui, est-ce que, enfin, vous allez vous projeter et que tu dis non, pas encore pour les enfants, mais comme si ça allait venir et comme si, et puis, enfin, tu nous parles d'un vrai projet familial, mais on a la sensation que ton mec ne te suffit pas. Ouais. Est-ce que tu serais heureuse finalement d'être juste avec lui? Parce que tu peux très bien avoir ce genre de relation avec d'autres personnes qui sont au courant, ne pas avoir une relation exclusive avec ce mec-là si t'as besoin d'autre chose. Mais parce que forcément là tu culpabilises parce que on a la sensation que ton mec il est vachement gentil et qu'il mérite pas de vivre tout ça dans ta façon de réagir. C'est exactement ça, ouais. Mais si demain ces mecs-là tu les vois plus, est-ce que tu serais heureuse et épanouie avec lui ou est-ce que ça serait juste par pitié? Oh, ça se fait pas, il est trop gentil pour mériter ça, donc il faut que je le préserve. C'est toutes mes questions. C'est compliqué d'y répondre toute seule, mais c'est moi qui me suis mise dans cette galère. Donc, a commencé comment la première fois? La première fois que tu l'as trompé, vous étiez ensemble depuis combien de temps? Alors en fait, la première fois, ça faisait peut-être... un an qu'on était ensemble et il avait pris ses distances avec moi, il venait pas me voir alors que j'avais déménagé pour lui, enfin voilà, et du coup je me suis vengée entre guillemets. Et voilà. C'est devenu une habitude qui te plaisait, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, depuis 2 mois, tu nous as dit qu'il se passe plus rien, tu le vis comment? Je le vis bien, je me sens bien. Tu te sens mieux? Mais peut-être moi, je me sens en moi-même mieux. Pour moi, mais par rapport à lui, par contre, bien sûr. Je me sens coupable. Alors, ça peut être aussi une page que tu es en train de tourner de cette vie passée, de je l'ai trompé pendant 8 ans. Là, tu es en train de prendre conscience, tu réfléchis, tu te poses, tu vois, tu le fais plus, mais en même temps, tu es pas mal de pas le faire. Ça n'a pas l'air de te manquer plus que ça, de te peser. Enfin, je sens pas que ce soit obsessionnel chez toi. Ça a l'air là, bon, bah tiens, je le fais plus, et puis bah, c'est pas si mal. Oui, c'est ça. Peut-être qu'une page se tourne en même temps, dans ta réflexion que t'as là depuis quelques mois. Alors après, aller lui raconter, juste pour lui raconter, je suis pas sûr que c'est un intérêt. Sauf si tu voulais continuer ces aventures-là et que tu voulais ouvrir le couple ou en tout cas lui dire, bah écoute, voilà, moi je sais que j'ai besoin de ça pour vivre. Est-ce que toi t'es prêt à accepter ce que je suis? Ah ouais, non, c'est pas envisageable. Voilà, bah oui, bon. Alors pour moi perso, je pense que c'est une relation qui n'a aucun sens. Je me mets à sa place. Le mec a été cocu pendant 8 ans avec avec des mecs différents. Tu t'es protégé à chaque fois? Ouais. C'est, enfin, je sais pas, moi, je. Mais bien sûr, c'est. Vraiment, c'est on n'est pas là pour, on n'est pas là pour juger, quoi. Mais. C'est atroce pour lui. Mais maintenant, je veux dire, lui, il est amoureux d'elle. C'est con à dire, mais il le sait pas, donc il souffre pas. Parce qu'il le sait pas. Mais bien sûr que c'est atroce. C'est-à-dire, c'est dans son dos. Ce qu'il faut voir aussi, c'est l'importance que ça a réellement. C'est-à-dire que tromperie, qu'est-ce qu'on trompe? Est-ce qu'on trompe juste un corps avec lequel on a des rapports sexuels? Non, c'est des questions à poser et à se poser. Tromper quelqu'un, parfois, c'est avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre et ne pas lui dire. Là, c'est vraiment de la tromperie. Maintenant, un rapport sexuel avec quelqu'un qu'on revoit une fois, voilà, et puis on passe à autre chose. Et ça reste quand même une tromperie, une trahison. Et ça n'a pas d'importance pour soi. Mais c'est s'en aura qui, pour lui, en fait. C'est ça qui est dur. Bien sûr. Mais là, il n'est pas au courant. C'est elle qu'on a, donc là, pour l'instant, lui n'est pas au courant. Mais est-ce que c'est important? Hein. Voilà. Est-ce que c'est important? Mais elle a l'air de dire que il faut pas du tout lui en parler, qu'elle a pas envie d'ouvrir le couple, que c'est pas ça la question. De toute façon, ça serait horrible de lui en parler, parce que franchement, ça voudrait dire que lui serait obligé de prendre une décision. Moi, je trouve ça atroce. Je pense que quand tu trompes quelqu'un, certes, on peut lui dire tout ça, mais on prend la décision de continuer ou pas continuer. Si tu veux quitter quelqu'un, tu lui dis, bon, bah voilà, c'est terminé, et on dit qu'on l'a trompé. Mais dire à quelqu'un, bon, bah voilà, je t'ai trompé, est-ce que tu me pardonnes? Je trouve ça horrible. Ah oui, comme ça, de lui devoir prendre ce genre de décision, parce que lui, il avait envie que rien ne se passe, il a pas envie de te quitter, mais en même temps, il a pas envie de pardonner. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passerait s'il l'apprenait? Eh ben, il te quitterait, c'est sûr, et c'est tout ce que tu mérites. Mais bien sûr. Est-ce que ça vaut le coup alors que là, aujourd'hui, elle est en train de se culpabiliser, qu'elle se dit qu'elle ne veut plus le faire, qu'elle ne le fait plus et qu'elle est bien à ne pas le faire? C'est peut-être le moment, justement, que ça s'arrête et qu'elle n'ait pas envie d'aller voir ailleurs. C'est, voilà. Donc, je pense qu'effectivement, faut pas aller lui dire à lui, hein. Sauf si c'était dans l'idée de je peux pas m'en passer parce que je sais que je suis libertine ou je ne sais quoi et que j'ai besoin de ça et que par conséquent, il faut qu'il accepte mon ouverture. Bon, mais ça a pas l'air d'être non, le cas du tout. Cas. Voilà, non. C'est pas le cas. Donc ça, c'est réglé au moins. Oui, c'est un mauvais engrenage. En fait, t'es rentré dans un truc, tu t'es attaché à des gens, t'as pris l'habitude de voir des mecs de temps en temps, et ça a dû être compliqué pour toi de te détacher de ces gens-là. C'est plus ça, en fait. Tu t'es pris à ton propre jeu, alors qu'il y avait ton mec à côté que tu kiffais vraiment, quoi. C'est ça. Mais faut que t'arrêtes maintenant. Si vraiment tu veux que ça se passe bien avec lui, faut que t'arrêtes. Et faut que surtout tu te poses les bonnes questions de savoir si est-ce que t'es capable de te suffire de ce mec-là uniquement. Est-ce que tu l'aimes assez pour que ça se passe bien et surtout pour le préserver parce qu'il mérite pas ça. C'est sûr, c'est vrai. Mais t'es pas un monstre, d'accord? T'es pas un monstre et il y a beaucoup. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui trompent et qui n'ont pas cette culpabilité-là, tu vois? Parce qu'ils se disent tant que la personne n'est pas au courant, eh ben y a pas de souci, c'est comme si je l'avais pas fait. Mais là, tu le vis mal. Certes, ça t'a pris quand même pas mal d'années, mais au moins tu en arrives à ce constat-là. Donc c'est déjà bien, même si c'est sûr que ça aurait été mieux qu'il se passe rien. T'es pas un monstre, faut pas te culpabiliser et tu vas trouver une solution. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Déjà, tu en parles, c'est bien. On te dit des choses aussi. Tu libères de la parole. Tu n'es plus toute seule avec ça. Voilà, ça peut sortir de toi. Hein, et parfois, effectivement, on sait que la tromperie qu'on a fait, elle a aucune importance, qu'elle compte pas dans une vie parce qu'on sait la personne qu'on aime et qu'on a envie de rester avec elle. C'est ce que tu viens de dire aujourd'hui. Voilà, va sur ce chemin-là. On te fait des gros bisous, Sarah. Ok, moi aussi, plein de bisous. Merci à vous. Salut Sarah. Bisous, allez. Tu nous tiens au courant. Salut. Ciao, ciao. Merci. Et alors Jonathan devait passer à l'antenne ce soir. Jonathan ? Oui, bonsoir. Bonsoir Salut. Jonathan. Salut. Ça fait combien de temps que t'attends là au standard ? Je sais pas. Je sais pas, ça va faire 10 minutes. 10 minutes, ça va. Jonathan, c'est la fin de l'émission, tu passeras demain dans l'émission, Jonathan. Oh le pauvre, tu vas attendre 24 heures. D'accord, mais est-ce que, il paraît que quand tu croises des filles dans la rue, qu'est-ce que tu fais ? Eh ben en fait, je les imagine toutes nues. Et franchement, vous savez quoi, demain soyez là, vous entendrez Jonathan qui, quand il croise des filles dans la rue, les imagine à poil. Elles sont belles ou pas, Jonathan? Oui, franchement, oui. Ah, bah forcément. Et elles sont belles. À demain, Jonathan. À demain. Salut. J'espère que vous avez bien kiffé l'émission, les amis. Demain, on sera de retour dès 22h. On accueille Adrien Thomas. Bonsoir, Adrien. Salut. Salut. Ça va, Adrien? Ouais, ça va. Il caille de fou. J'ai les doigts rouges, mais oui, ça va. Il fait froid. Je suis en véhicule de roue. Et, 50 cm cubes, donc ça va pas très vite. Mais j'ai froid quand même. Eh ben, écoute, prêt pour une nouvelle soirée avec toi jusqu'à 1h du mat. Party fun dans toute la France. Avec quoi ce soir? Avec ce soir le mashup des DJ From Mars qui ont regroupé tous les meilleurs tubes de 2018. Tu sais, tous les ans, il y a les DJ From Mars, il y a DJ Airworm, tout. tous les tubes qui ont cartonné cette année, pop, électro, ils ont fait ça en 4 minutes, 40 titres en 4 minutes. Génial. Et c'est fou. Je l'ai fait découvrir hier soir, je vais le rejouer ce soir. Donc restez là. Et puis un truc qu'on vous fait découvrir en ce moment qui s'appelle Deep and Only Love, qui donne envie de faire l'amour, ça va vous plaire ça. Il arrive quand ton mashup à toi? Le mien? Ouais. Mais moi je fais pas de mashup. J'ai pas le temps, Karel. J'ai pas de Karel. J'ai pas de temps, Karel. Prends le nôtre. Je veux le mashup d'Adrien Thomas cette année. Je t'invite à mon studio. Dans mon studio, on se prend. Il faut un bon mois pour faire un bon mashup. Ah ouais? Ah bon, donc si t'as un mois, tu prends un mois de congé. Alors, dans Loving Fun. C'est quoi? À l'année prochaine, Adrien. Et on vous laisse avec Adrien Thomas, Party Fun jusqu'à 1h du mat. On se retrouve dès demain, 22h pour Loving Fun. Ciao tout le monde, à demain. Open your eyes for a new reality. Feel the beat. You're gonna live a magical night. You will discover a new sensation. Party fun.